Alors ce matin, Prisca Paratimachet Gros Saint-Pierre, et elle vous donne rendez-vous dans un fruits et légumes entre 10h et 10h30. Alors un espace de vente qui s'appelle PNR. Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Il faudra être attentif. Donc à 9h50 pour ensuite la rejoindre et repartir avec un panier garni. Je vous souhaite de passer une belle matinée avec les programmes de Réunion Première. Elle a plutôt bien commencé ce matin avec vous. Donc, juste après le journal de 8h, eh bien, ce sera Claude Montané pour votre émission Allô Première. Ma Perrine qui nous parle de l'amour maternel ce matin. Hier matin, par un détour, rencontre mon ami Marcel. Adieu-moi mon premier amour, à tout le monde aliment nouvelle. Me l'a dit, ça c'est d'histoire ancienne. Faut pire retourne derrière. Les souvenirs ramènent les belles. Écoutez l'ombre, l'autre la lumière. Tiens ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, mon nom. Moi n'a l'amour maternel. Pour moi elle est suffisant. Moi la vie un choix de vie. Donc pour une fille, m'y souffre à pire. Zodi pour moi la vie est belle. Avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul, moi elle est toujours la case maman. Moi n'a l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi elle a fait un choix de vie, donc pour une fille m'y souffre à vie. Sorti pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Elle est devenue, non, n'y veut pas savoir. C'est le cadet de mes soucis. Elle m'a atteint dans l'arrosoir. Si tu vois mon ami cool, tu fais l'aller et j'y au collet. Allez Marcel, sois cool. Dis le temps, la cicatrice m'est belle. Tiens ici, moi la reste tout seul. Moi elle est toujours la case, maman. Moi elle a l'amour maternel. Moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie, donc pour une fille m'y souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul, moi elle est toujours la case maman. Moi n'a l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie, donc pour une fille m'y souffre à vie. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul, moi elle est toujours la case maman. Moi n'a l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie, donc pour une fille m'y souffre à pire. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. J'allais si moi la reste tout seul, moi elle est toujours la case maman. Moi n'a l'amour maternel, pour moi elle est suffisant. Moi la fille un choix de vie, donc pour une fille m'y souffre à pire. Ça dit pour moi la vie est belle, avec mon maternel. Avec mon maternel. Ma Perrine sur Réunion Première, l'amour maternel. Claude Montané nous a rejoint. Bonjour Claude. Jacques, bonjour, bonjour à tous. À la veille de la journée mondiale des donneurs de sang, aujourd'hui, émission spéciale. Hey, c'est demain qu'aura lieu, Jacques, la journée mondiale des donneurs de sang. Donc c'est une journée pour dire merci à tous ceux qui font le geste qui sauve des vies. À la Réunion, 10 000 patients ont besoin des Réunionnais. Donc c'est pour vous dire à quel point il est important de le faire. Rendez-vous après le journal pour en parler. Nous allons être allés à Gaillard Zafia demain, la Nordève également. Donc l'infotrafic avant le journal de 8h sur la première. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves Gruyer, vous êtes à Brin-Fusy. Oui, et ça roule de façon dense mais roulante, on va dire. Donc pour redescendre vers le giratoire des plaines en provenance de la plaine des Palmistes, justement. Et puis un petit peu de monde sur la voie de contournement de Saint-Benoît, entre guillemets, voie de contournement. Donc bien entendu, c'est une national qui contourne le centre-ville, mais qui n'est pas une vraie déviation. En tout cas, la circulation dense pour passer le carrefour de Bracanote. Il y avait un petit peu de monde également en arrivant donc avant de Beaufond, hein, donc avant le giratoire des plaines. La circulation en provenance de l'Est pour aller vers Saint-Denis avec peu de changements. Hein. Il y a toujours un trafic très soutenu depuis la ravine des Chèvres jusqu'au niveau du front de mer du chef-lieu. L'entrée ouest toujours après la grande chaloupe pour les ralentissements. Ça sera s'approche doucement du virage du gouffre en ce moment. Pour Milton et les tranchées, il y avait peu de problèmes. Côté ouest, pas de changement non plus. Sortie tunnel du Cap Laousset avec des ralentissements toujours entre Grandfond et Boucan. Et puis, vous le savez, depuis cette nuit minuit, le radar automatique, le 15e, donc installé à la sortie est de Saint-Denis, a commencé à flasher, puis en voir deux ce matin à 6h15, 6h15. Donc, oui, ça fonctionne. Et depuis minuit, ne vous faites pas surprendre. C'est 70 km/h à cette sortie de la rue Léopold-Rambaud en direction de l'Est. Bon courage et bonne route. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Dimitri Payet, le nouveau patron de l'équipe de France, continue de faire parler de lui et forcément c'est toute la Réunion qui salue le champion. J-2 avant France-Albanie. Il est 8h sur la première. Le journal, Cécile Demas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Plébiscite en faveur du non au référendum sur la carrière de bois blanc. Hier, 81% contre le projet, mais seulement 28% de votants, c'est faible. Les pour et les contre se servent de ces chiffres au lendemain du scrutin à Saint-Leu. Nous entendrons d'ailleurs la réaction d'Huguette Bello. La députée était l'invitée de la matinale ce matin sur Réunion Première. Un référendum est toujours utile, dit-elle. Premier bilan d'étape pour le plan Mayotte. Nous entendrons la ministre des Outre-mer alors que l'insécurité dans l'île reste forte. C'est un commissaire de police qui a été témoin de braquage à main armée rien que deux fois ce week-end. Et puis des marmailles qui courent avec un ballon, ce n'est pas du foot, c'est du rugby avec le challenge paille en queue en plein Euro de football. Pourquoi choisir le rugby? Réponse à la fin de ce journal. Réunion Première, Cécile Thomas. 81% de non à la carrière de bois blanc, résultat du référendum organisé hier à Saint-Leu. Le parti Ri Robert, 28% de votants seulement dès hier soir. La bataille a commencé autour de ces deux chiffres. Pour les pro-carrières, le peu de participation sonne comme un désaveu pour les députés-maires. Pour les anti-carrières, l'écrasante victoire du non est forte de sens. Pierre Comorassami. Une fois n'est pas coutume, hier soir dans les deux camps, celui du non comme celui du oui, on était satisfait des résultats du scrutin. Le député maire Thierry Robert, par exemple, ne veut retenir que l'écrasante majorité de non. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est quand même 81% de la population saint-leusienne a dit non à la carrière. Chez les pro-carrières, par contre, on ne jure que par le taux de participation, 28%. Une participation qui sonne comme un désaveu pour Thierry Robert, estime Jonathan Rivière, vice-président du syndicat des terrassiers. Aujourd'hui, le maire s'est retrouvé qu'avec 28% de votants et que 5000 personnes sur 25000 qui a voté. Donc c'est pas représentatif. Une analyse des chiffres de participation que le député maire de Saint-Leu ne partage pas. Et pour cause. Il y a aussi une différence en fonction des lieux géographiques où habite la population. Vous avez du côté de Bois-de-Neuf, du côté de Bois-Blanc, du côté de Portail, etc. 45% de participation dans les bureaux de vote. Et puis, du côté de la Chaloupe, de l'autre côté là-bas, 15%. Mais c'est tout à fait normal. Et Thierry Robert de prévenir, si l'autorité préfectorale ne tient pas compte de cette aspiration de la population, il sera à leur côté pour continuer le combat. Aujourd'hui, les gens se sont exprimés dans les urnes. Après, les gens peuvent aussi s'exprimer autrement. Un reportage de Pierre Comorassami. Ce lundi, Huguette Bello était l'invitée de la matinale sur Réunion Première. La députée et conseillère régionale de l'opposition a commenté le résultat de ce vote. Pour elle, il faudra tenir compte de l'avis de la population. Elle en a profité pour critiquer les méthodes de Didier Robert, le président de la région, qui pour elle ne tient pas ses promesses de campagne. On l'écoute. Un référendum a toujours une légitimité. Un Saint-Leuzien sur trois s'est déplacé. Et moi, je pense toujours à la promesse qui a été faite par le candidat au régional Didier Robert au village Bienvenue à Sainte-Marie où il a promis une consultation quant aux carrières et voilà encore une promesse qui n'a pas été tenue. Il est encore temps pour Didier Robert de tenir cette promesse. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin au président de région ? Eh bien, je dis à ce président de région imprévoyant que lorsque l'on a à construire une route où il faut 18 millions de tonnes de roches, qu'il aurait fallu vraiment prévoir cela. Ce président imprévoyant a prévu 200 millions de surcoûts d'une route qui va coûter au bas mot près de 2 milliards d'euros. Huguette Bello répondait à Philippe Dornier. Huguette Bello qui a salué le jeu, la performance de Dimitri Payet à l'Euro de football contre la Roumanie. Un exemple à suivre. Notez que c'est Jean-Claude Fruteau, le député maire PS de Saint-Benoît, qui sera devant la réunion à partir de 18h15. Il répondra aux questions de Sophie Persson et de Gaël Le Dantec. À Mayotte, on parle beaucoup de l'insécurité. Hier, c'est un commissaire de police, directeur départemental de la sécurité publique, qui a été mis en joue lors d'une tentative de braquage dans un hôtel à Combani. Il était en civil avec sa famille. Il a aidé le gérant à mettre en fuite les agresseurs qui l'ont donc visé avec un fusil avant de prendre la fuite. C'était la deuxième fois dans le même week-end que le commissaire Misignac était témoin d'un braquage à main armée. Samedi après-midi, il avait aidé à interpeller l'un des deux braqueurs d'une boulangerie à Mamoudzou. L'arme utilisée de type pistolet a été saisie et l'enquête est menée par les services de police. Loin de ce climat tendu à Paris, Georges Pollangevin a dressé samedi un premier bilan d'étape du plan Mayotte 2025 mis en place il y a un an. La ministre des Outre-mer a souligné qu'un tiers des mesures prévues sont en train d'être mises en œuvre. Mais le décalage est grand entre les besoins urgents ressentis par la population et une politique de développement qui doit s'étendre sur 10 ans. Écoutez la réponse de la ministre. Il y avait eu beaucoup d'espoir mis par les Mahorais dans la départementalisation. Et ils s'étaient dit que le jour où ils allaient être région à part entière, tout irait bien. Non. Si nous avons fait un plan sur 10 ans, c'est qu'on sait qu'il faut phaser les choses. Et que par exemple, avant de construire un certain nombre d'équipements, il faut déjà régler la question de la propriété du foncier. Donc lorsque nous mettons sur pied un cadastre, cet engagement est indispensable pour pouvoir ensuite faire des équipements nouveaux. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on se heurte à des difficultés, mais on fait en sorte de les résoudre. Mais par exemple, sur le code du travail, on avait à changer l'essentiel. C'est un travail qui est entamé. On est en train d'adapter le code du travail par pan, mais on a fixé cet achèvement du travail en 2018. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui était demandé par les Mahorais et qui aujourd'hui est acté. Georges Pollangevin, au micro de Serge Masséo. Avoir ou ne pas avoir le bac, il va falloir être philosophe et ça commence mercredi avec l'épreuve de philosophie. Cette année, 11 450 candidats sont dans les starting blocks, tout bac confondu, généraux et professionnels. 8 015 élèves de première passeront les épreuves anticipées de français. À 2 jours du début des épreuves, mieux vaut avoir révisé ce week-end, était le dernier pour travailler ou pour décompresser. Priscilla ETV, Mélodie Nourry. Les cahiers et les annales, pas question d'y toucher pendant le week-end pour Betty. Cette élève de terminale littéraire a assez bachoté comme ça ces dernières semaines. Là, c'était le moment de prendre l'air avant que les choses sérieuses commencent. Pour ça, elle a choisi la fête du chouchou. Je compte prendre un peu du temps pour moi parce que ça fait du bien de sortir un peu, de se aérer. Et bah voilà. À force de trop apprendre, bah ça bloque un peu la tête. Donc voilà. Et ce n'est pas Carliaï qui dira le contraire. Avant la première épreuve de son bac pro mercredi, cette lycéenne préfère s'amuser et en plus elle est déjà prête. M'a apprendre toute l'année donc m'y pense que c'est le moment. Hein. Sur la plage de Boucan-Canotte, en revanche, difficile de trouver un futur bachelier qui se détend. Lily, qui passe son bac de français cette année, s'est laissée tenter, mais en plus de la serviette et de la crème solaire, elle a ramené ses petites fiches de révision. J'en profite quand même pour relire mes fiches, histoire de voilà de pas non plus trop avoir sur la conscience le fait de pas trop travailler ce week-end, mais je me dis que j'ai encore la semaine, donc ça va. Pour Luc aussi, ça va aller, même si cet élève de première n'a encore rien révisé. Ce week-end, je suis tout détente et ensuite je commence à travailler vraiment à partir de lundi. Quoi. Français, je pense que ça ira quand même. Eh bien, cet optimisme se vérifiera le 8 juillet, date de publication des résultats des épreuves anticipées de première. Et bon courage à tous les candidats. Ce week-end, le chouchou était à la fête à Salazie. C'est là qu'il est le plus cultivé dans le Cirque de l'Est. Le rendez-vous était pris sur le champ de foire d'Elbourg. Plus d'une soixantaine d'exposants ont accueilli plusieurs milliers de visiteurs. Dans le chouchou, on mange tout ou presque. En tout cas, rien ne se perd jusqu'à la paille. Depuis qu'elle est à la retraite, Violette Garrier de l'association Tresse Salaz s'est découvert une passion, la paille chouchou, avec laquelle elle fabrique toutes sortes d'objets. La paille chouchou, c'est la tige en bas. Le bread chouchou, les gens y mangent. Et nous, nous travaillons la tige en bas. Dedans, il y a une fibre. On enlève ça. Après, nous mettons de l'eau et on travaille après. Avec la fibre, nous fait des chapeaux, des sacs, des pochettes. Et il y a des poupées aussi. Il y a un peu de tout. Et il y en a pour tout le monde. Hein. De 1 euro à 3 euros. Le plus cher, c'est un chapeau, bien sûr. Sinon, moi, je suis plutôt pour le cornichon chouchou. C'est-à-dire, ce sont les petits chouchous confits qu'on met dans du vinaigre. Et alors, on mange ça comme un cornichon ? Comme un cornichon. Sauf c'est meilleur. Je demande aux gens de venir déguster parce que le nôtre, c'est réunionnais. Le cornichon de chouchou a apprécié. Violette Garrier de l'association Tresse Salaz répondait à Mélodie Nourri. Déjà des automobilistes flashés par le nouveau radar à Saint-Denis ce matin, un radar anti-pouce. Pas de quoi effrayer les amateurs de push-car qui eux se réunissaient hier à Brapanon. Le push-car, c'est la course en caisse à savon. Pour se lancer sur les circuits, il faut fabriquer une voiturette à partir d'éléments recyclés. Il faut un pilote et un copilote qui poussent. Katia Duhamel est la présidente de l'association Les Fous du Volant, l'association qui a organisé la manifestation d'hier. Il est intéressant que les enfants et même les adultes puissent construire leur caisse à savon, hein, peu importe la catégorie. Et le but, c'est qu'elle soit avec le plus de récupération possible, puisqu'on est un côté écolo et qu'on aimerait bien justement qu'il y ait un peu moins de déchets sur l'île de La Réunion et que justement elle serve à faire du sport et de la construction. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est intergénération, c'est-à-dire que l'enfant peut courir avec son grand-père, ça pose aucun problème. Tout public peut être intéressé et en plus on peut aussi réceptionner des gens qui ont des handicaps différents. Et puis ça permet aussi de changer le regard qu'on peut avoir sur certains handicaps. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'handicap et justement le fait qu'on puisse tous être sur un même événement change le regard des gens et c'est ça qui est le plus important. Katia Duhamel, présidente de l'association Les Fous du Volant, interrogée par Mélodie Nourri. Pour ceux qui veulent se lancer, vous pouvez d'ores et déjà commencer à fabriquer votre caisse à savon. La prochaine grande compétition aura lieu les 13 et 14 août prochains au village de Léperon. Des marmailles et un ballon ovale pour changer du ballon rond. Samedi, une centaine de marmailles se sont retrouvées pour le challenge Paille en queue, 8e édition. Le tournoi des écoles de rugby, c'est une vraie compétition pour les enfants de 6 à 10 ans. Quand on dit rugby, on imagine un grand gaillard musclé, voire avec un œil au beurre noir après la rencontre. Pas de quoi faire peur aux marmailles. Olivier de la Richaudie a rencontré des joueurs de moins de 8 ans du RC Saint-Paul. La France et les Albions. Tous réunis, ils ne font pas le poids d'un seul de ces colosses, mais ce ne sont pas les références qui manquent aux jeunes du RC Saint-Paul. Et même s'il reste du chemin à parcourir, la route vers le haut niveau semble toute tracée. Je dois faire les mêlées, je dois les plaquer le plus fort que je peux. Je cours un peu vite, je plaque. Mon poste à moi, c'est plutôt de plaquer et pousser. Voir son enfant de 6 ans entrer dans la mêlée, une perspective qui pourrait effrayer certains parents. Stéphane, le père de Maë, tient à rassurer les plus anxieux. On leur fait apprendre à plaquer gentiment, qui ont des protégeants. Il y a tout pour que les parents n'aient pas peur. C'est une bonne école. Il y a des bonnes références, il y a une bonne morale, c'est plutôt un très bon sport. Des marmailles qui doivent tout de même assumer 1h30 d'entraînement par semaine, avec à la clé des matchs de 6 minutes sans pause. Johnny Michaud, entraîneur au RC Saint-Paul. On arrive progressivement, on commence à moins de 6 ans, donc c'est des petits ateliers sympas, ludiques, pour qu'ils apprennent à toucher le ballon sans se rendre compte vraiment qu'ils commencent à faire du vrai rugby. Et puis au fur et à mesure des années, on attaque vers le 15. Mais le 15, c'est vraiment à moins de 14 ans qu'on attaque les premiers matchs. La formation saint-pauloise qui a déjà porté ses fruits avec plusieurs jeunes placés dans des équipes nationales comme Bigi à Perpignan ou encore Sanchez à La Rochelle. Le RC Saint-Paul qui est reparti avec la médaille d'argent de ce 8e challenge Paille en queue. Sur la plus haute marche du podium, les jeunes Saint-Leuziens, le bronze revient aux Saint-Pierrois qui ont donc perdu leur titre. L'info revient à 9h. Retrouvez dans moins de 5 minutes votre émission Le Première, consacrée ce matin à la journée mondiale des donneurs de sang prévue demain mardi 14 juin. Et direction Paris pour la revue de presse avec Steven Nipat. Bonjour Steven. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Cette affaire en justice, la cour d'assises de la Haute-Garonne vient de condamner un homme de 60 ans à 10 ans d'emprisonnement pour une série de viols sur mineurs qui a débuté à La Réunion. L'accusé poursuivi pour des viols commis de 1996 à 2007 avait rencontré la mère d'Anna à La Réunion. La petite fille, la victime, elle, venait de fêter ses 10 ans, rapporte la Dépêche. La fillette s'est peu à peu tournée vers ce nouveau beau-père. Elle voulait des conseils pour séduire son amoureux à l'école. Cet adulte adepte de la magie noire, précise le journal, décrit comme pervers par les experts, a fini par coucher avec elle. Je pensais que c'était normal, presque naturel, a expliqué la victime au juré. Anna a expliqué à la barre avoir beaucoup réfléchi sur elle-même lors d'une psychothérapie. Elle a déposé plainte en 2012 au commissariat de Toulouse. L'accusée, âgée de 60 ans, a été condamnée à 10 années de réclusion. La jeune femme a obtenu 15 000 euros de dommages et intérêts. L'accusée ne devrait pas faire appel. Allez, on parle football et l'Euro 2016 et Dimitri Payet qui porte haut les couleurs de la Réunion en équipe de France. La nouvelle coqueluche des Bleus n'est que le 5e réunionnais à revêtir le maillot tricolore. Oui, Cécile, le premier natif de La Réunion à évoluer en équipe de France était Laurent Robert, ancien joueur du PSG, 9 fois sélectionné, rapporte le quotidien La Croix. Pour le journal chrétien, le parcours de Dimitri Payet illustre la difficulté des joueurs du bout du monde à percer dans le monde professionnel. Le football réunionnais a longtemps été dans l'ombre des Antilles, poursuit le quotidien. De meilleures connexions avec les centres de formation de l'Hexagone et les nombreux exemples de réussite de joueurs antillais peuvent expliquer cette différence avec des îles pourtant beaucoup moins peuplées. La Guadeloupe compte par exemple 13 000 licenciés pour 400 000 habitants, contre 30 000 à La Réunion pour presque 850 000 habitants. Payet prend le relais d'autres joueurs élevés à des milliers de kilomètres de la France, en dehors des Antilles comme les Guyanais, Bernard Lama et Florent Malouda, ou encore le Kanak Christian Carambeu. Pascal Vaillroy, au début des années 90, est l'unique Tahitien à avoir été sélectionné en équipe de France. En revanche, note enfin La Croix, aucun joueur de Mayotte n'a encore revêtu la tunique des Bleus. Je vous souhaite une bonne matinée. Très belle journée à vous. Merci Cécile Thomas. Entendre tous les supporters du Stade de France crier Payet, Payet. Alors là, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Première. Have you seen my dog, mommy? L'année. J'ai bugué. 15h-18h. Ouais, le 15-18. Du lundi au vendredi. Tous les après-midi. Ça se passe comme ça. Isabelle Waraud, Mickaël Loret, sur Réunion Première. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? Wouhou ! À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. J'ai toujours adoré la mode. Plus jeune, je faisais déjà des vêtements à mes poupées. En grandissant, j'ai gardé ce rêve de travailler dans la mode. Alors, comme je ne trouvais pas de travail, j'ai décidé de réaliser mon projet grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. J'ai monté un dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, j'ai pu lancer mon atelier de couture. Alors, vous aussi réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 1 801 000 ou en te renseignant sur le site cg974.fr. Notre motard Yves Gruyer nous attend sur Saint-Benoît. 10 000 patients sont soignés chaque année grâce aux dons de sang, 120 dons par jour, mais ce n'est pas suffisant. Célébrons la vie en donnant son sang, c'est le slogan retenu pour la journée mondiale du don de sang. Et vous l'entendrez dans un instant, si le stock tient le coup, c'est en grande partie grâce aux donneurs. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas surtout à l'abri d'un pépin. Il est préférable et conseillé pour l'EFS de recruter de nouveaux donneurs. Alors, où et comment faire le recrutement? Pourquoi certains d'entre vous hésitent encore? Est-ce que c'est un sujet tabou dans la famille? On n'en parle pas. Mais on est là aussi pour tout vous dire, au standard de la première, les réactions au 02 62 99 2000, par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. 8h, 10h, Allo Première, Claude Montanet. Une information routière sur la première. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Bonjour Yves. Bonjour Claude, très heureux de vous retrouver sous un ciel dégagé plutôt dans l'ouest, dans l'est. Hein, ici ce matin, les conditions de circulation sont bonnes. Alors il y a quand même un peu de monde sur Saint-Benoît et notamment entre le bas de la route des Plaines, l'arrivée de Saint-Rose par Beaufond, ça ralentissait quand même encore un peu pour faire le rond-point des Plaines vers le carrefour de Bracanote. Et une fois passé cette zone de feu, et bien après le trafic va plutôt bien en direction de Saint-Denis, sauf qu'il y a encore donc des ralentissements toujours entre Sainte-Marie et l'entrée du front de mer du chef-lieu. Côté ouest, ça va un petit peu mieux. Alors, surtout pour la route du littoral, puisque c'est revenu après le virage du gouffre. On est entre 20 km et un petit peu moins, donc avant les potences. Sachant que le boulevard sud, ça se passe plutôt correctement, en tout cas pour la partie ouest. Bon, Vinsan ou les tranchées. Et puis, côté ouest, eh bien, si ça s'est libéré sur le littoral en bas, entre Grandfond et Boucan, en direction de Saint-Paul, vers la chaussée royale. Et les ralentissements se font toujours à la sortie du tunnel du Cap Laoussé. Donc, c'est en train de descendre doucement pour cette partie haute du viaduc avant de rejoindre la route digue de Saint-Paul. Côté sud, moins de difficultés, notamment Saint-Louis, la braderie est terminée. Donc, moins de problèmes pour traverser l'agglomération, même s'il y a encore du monde. C'est également sur la RD26 qui est toujours en travaux, mais travaux qui ont bien avancé par rapport aux réalisations d'enrobés la semaine dernière. Voilà, très bonne route avec la première. Je vous parlerai d'autres chantiers tout à l'heure. Restez prudents, et puis le don du sang, eh bien, c'est important. À tout à l'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Qu'on se le dise, nous sommes bien loin de connaître notre planète et pour cause, l'essentiel de la Terre est sous l'eau. 70% du globe est formé par les océans et 80% des cas océans, de ces océans pardon, sont méconnus car situés entre 2000 et 6000 mètres de profondeur. Caroline Marie. Planète Outre-mer, la chronique environnement présentée par Caroline Marie. Les océans forment l'essentiel du globe terrestre à plus de 70% contre 30% de terre. Pour étudier les mers, les océanographes appréhendent cet espace en différentes zones. Bertrand Rigé de Forge est biologiste marin. Il a travaillé à l'IRD de Nouvelle-Calédonie. Les zones littorales que tout le monde connaît, qui sont sur le plateau continental, en dessous il y a une zone qui s'appelle circa-littorale, qui va jusqu'à 200 mètres de profondeur à peu près. C'est la zone où pénètre la lumière et c'est dans cette zone-là qu'il y a pratiquement toutes les activités de pêche et les activités nautiques se situent généralement là. Et cette profondeur de 200 mètres, elle est un petit peu théorique. On l'a fixée parce qu'elle correspond à peu près à la limite du plateau continental autour des continents, c'est-à-dire qu'après 200 mètres, il y a une rupture de pente qu'on appelle talus continental qui la descend en profondeur plus ou moins rapidement, jusqu'à rejoindre la grande plaine abyssale vers 2000 mètres de profondeur. Voilà. Et on appelle abyssale la zone qui va de 2000 jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Celle-là, elle représente au moins 80% de la superficie des océans. Après, il y a une zone très très profonde, mais qui est toute petite en superficie, c'est la zone Hadale, comme Hadès, le dieu des enfers. Et donc c'est entre 6000 et 11000 km de profondeur, c'est beaucoup beaucoup. L'essentiel des océans se situe dans les profondeurs abyssales, un milieu peu étudié où il reste beaucoup à faire. Bertrand Richet de Forge a travaillé sur la faune abyssale. Dans mon secteur qui était l'étude de la faune de profondeur, on connaît très très peu ce qui est justement en dessous des 200 mètres, ce qui représente quand même en superficie 62% de la superficie de la planète, qui a plus de 200 mètres d'eau par-dessus. Ça représente quand même beaucoup, beaucoup. Et on sait très peu ce qui vit dans ces zones-là, parce que sur le plan, si on fait un peu d'histoire, disons que les expéditions qui ont exploré ont travaillé entre 1870 et 1950, à peu près. Chaque pays a lancé des expéditions qui ont fait le tour de la planète, qui ont fait des dragages, des chalutages, qui ont décrit ce qu'ils voyaient, qui évidemment ont trouvé beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qui ont publié les résultats. Mais si on met bout à bout tout ce qu'ils ont fait, ça représente moins de 1000 prélèvements autour de la planète. C'est rien du tout, rien du tout. C'est une goutte d'eau dans la mer, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup, beaucoup à faire si on veut comprendre, rien que faire l'inventaire de ce qui existe dans ces milieux-là. Inventorier le vivant, et en particulier celui des abysses, permettrait de mieux connaître les espèces dont nous dépendons pour vivre. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline Marie. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montané. Nous sommes à la veille de la journée mondiale du don de sang. Bienvenue dans votre émission Allô Première. Les invités pour en parler, Hervé Renard, Nathalie Grondin de l'EFS. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nathalie Soubadou, qui est la marraine que nous aurons au téléphone tout à l'heure. Et puis j'accueille déjà Claude Marie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes, merci. Vous, un bénévole, un fidèle, surtout au don de sang. Oui. Ça fait des années. Ben, ça fait 20 ans au niveau de l'association. Et votre association s'appelle ? L'association des donneurs de sang, la Poste Orange. Merci d'être là. Alors la journée mondiale du don de sang, Hervé Renard, c'est l'occasion aussi de remercier les donneurs, les bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année. Mais il est aussi important d'en recruter d'autres, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un manque de sang, ça c'est certain. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un manque de sang, et surtout, comme on le dit souvent dans cette émission, on a de plus en plus besoin de sang sur le territoire océan Indien. Nous sommes le seul territoire, le seul département où on voit progresser d'année en année le besoin en don du sang. Ailleurs, ça baisse de 1 à 2%. Ici, rien que l'an dernier, on a monté de 10% les besoins. Donc, vous voyez, c'est vraiment un appel que je fais aux donneurs fidèles, bien sûr, mais aux nouveaux donneurs surtout, parce qu'il faut qu'on augmente notre fichier donneur de sang. Alors, 10 000 patients, donc, chaque année, qui sont soignés grâce au don de sang. On a besoin d'à peu près de 120 dons par jour pour soigner 10 000 patients par an. 120 dons par jour. Ça, c'est le chiffre à ne pas... il ne faut pas baisser ce chiffre-là. Il ne faut absolument pas baisser le rythme. 120 dons par jour, c'est énorme. Hein. C'est beaucoup de dons, beaucoup de donneurs à motiver et à solliciter. Nathalie Grondin, donc grosse journée demain pour la journée mondiale. C'est la 13e édition. C'est la 13e édition et puis elle prendra toujours la forme d'une méga collecte à La Réunion. 20 lits quand même installés. Toutes les équipes de l'EFS sont présentes sur cette journée du 14 juin. C'est au parc des expos. C'est au parc des expositions de Saint-Denis. D'ailleurs, je profite pour rappeler que les sites fixes de l'EFS, donc celui du CHU de Belle-Pierre et la Maison du Don 58 rue Suffren, seront exceptionnellement fermés donc le 14 juin pour justement qu'on puisse accueillir les donneurs dans les meilleures conditions. Toutes les équipes de prélèvement seront à la Nordève demain. Claude Marie, dites-nous s'il vous plaît la première fois comment ça s'est passé il y a 20 ans et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui donc vous êtes un donneur régulier et que vous militez surtout pour le don de sang. Qu'est-ce qui a déclenché un petit peu tout ça? Ce qui a déclenché, c'est que mon père était donneur de sang au départ. Donc, moi, j'ai un petit peu suivi la même voie. Et en plus, dans ma famille, il y a eu des gens qui ont eu besoin de sang pour des opérations typiques. Et donc, ça m'a incité justement à amener à discuter du sang et puis à amener les gens à donner leur sang aussi parce qu'on peut en avoir besoin. Il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi. Puis surtout, il faut penser... Quand on est en bonne santé, si on peut donner la santé à d'autres, c'est bien. Et puis nous, on peut avoir aussi besoin de sang plus tard. Parce qu'on dépend toujours de la médecine, de ce côté-là. Hervé Renard, directeur de l'EFS. Ben bien sûr, il a tout dit. Vous effectivement, confirmez, ouais. Le don du sang, c'est moi j'ai l'habitude de dire que le don du sang c'est le premier geste de solidarité, le premier geste humanitaire. Souvent on a des auditeurs qui nous disent j'aimerais faire l'humanitaire. Et ben voilà, l'humanitaire c'est commencer par un petit geste. Un geste gratuit. Qui est, petit pour soi. Geste gratuit. Gratuit, bénévole, anonyme, avec les valeurs de l'éthique du don du sang, et qui sert à sauver des vies chaque jour. Ça, il faut vraiment s'en imprégner. Chaque jour, on a des patients qui ont besoin de ce sang, et soit pour aider à passer un cap de leur maladie grave, soit pour leur sauver la vie. Ça, c'est très important. Hein. C'est le premier geste humanitaire à faire. Mais on s'aperçoit qu'il est très difficile aussi de ramener d'autres donneurs, parce qu'il y en a qui ont encore des idées reçues, qui quelquefois sur le don de sang. Tout à fait. Les gens c'est vraiment un travail de formule, d'aller chercher d'autres. Ouais. Pour diverses raisons. Et effectivement, pour nous, c'est très important les témoignages d'anciens donneurs, de donneurs fidèles, qui sont là aussi pour les rassurer, pour montrer que le don du sang, c'est un geste très important, mais assez banal, au niveau de la douleur en tout cas. Alors demain, c'est clair que c'est aussi pour dire merci aux donneurs, pour dire merci aux bénévoles. Parce qu'il y a aussi les bénévoles, Nathalie Grondin. Oui, et puis Claude-Marie en est un digne exemple. Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous aide depuis beaucoup d'années et qui prend vraiment, par le travail de fourmi, son bâton de pèlerin et qui va faire le tour des services quand il travaille encore à la poste. Et puis maintenant, encore aujourd'hui, il est à la retraite et il est très impliqué. Donc je profite vraiment pour te remercier parce qu'au nom de toute l'équipe de l'EFS, parce que tu fais un très gros travail. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est-à-dire que d'informer, de sensibiliser, sensibiliser et de ramener en fait des personnes qui ont peur, parce qu'on parle encore d'appréhension, la peur de la piqûre est un vrai frein. Donc c'est vrai que de dépasser ça et de venir voir comment ça se passe, c'est pas facile à expliquer, et le témoignage de personnes qui donnent, on se rend compte que de toute façon c'est comme ça que ça marche, et les gens ont plus de facilité à croire et à entendre des personnes qui ont fait ce geste-là indépendamment de nous, même si on peut l'expliquer très bien. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on le voit surtout dans les campus où les étudiants qui parlent aux étudiants font que les collectes fonctionnent, les donneurs qui parlent aux donneurs font que de nouvelles personnes viennent voir comment ça se passe et finissent par donner. Herbert Renard. Alors j'en profite aussi pour, parce que là je suis impardonnable pour le coup. Vous souhaitez remercier, j'ai c'est oublié, ça. Parce que ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, d'associations qui sont là pour nous aider à trouver des donneurs de sang. Et effectivement, j'ai oublié de remercier une association, alors c'est une association de motards, hein, qui a fait un événement en mai 2016, et cette association s'appelle les Black Rivers, ils ont toujours des noms un peu compliqués à mémoriser, mais enfin voilà, je remercie vraiment et le directeur de cette association et ces motards qui se sont mobilisés, hein, puisque en mai 2016, ils nous ont permis de recueillir 60 personnes volontaires et pratiquement nouvelles. Alors on sait que les motards sont très sensibilisés parce qu'il y a aussi des accidents de la circulation dus aux motos, mais vraiment je voulais les remercier et regretter de pas l'avoir fait assez tôt. Ça c'est la première chose. Hier on a fait une collecte qui s'est très très très bien passée à Saint-Pierre, hein. C'était à l'hôtel Villa de Lille, et donc je remercie là aussi les gens de cet hôtel, le patron notamment, qui nous a permis d'avoir des belles salles, qui nous a permis d'avoir un bel accueil et qui a permis à notre équipe de voir presque 100 personnes et avec 88 dons à la clé. Donc voilà, tous ces gens qui nous aident, hein, de façon bénévole, anonyme, etc., vraiment, je tiens à les remercier. Le don de sang, on en parle sur la première jusqu'à 9h. Vous allez entendre également notre invitée Fatema Safi, qui fait partie des bénévoles. Elle vient d'arriver. Puis nous continuons donc le débat juste après la formation routière avec Yves Gruyer. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, c'est à vous. Oui, toujours sur la partie est de l'île, avec encore un peu de ralentissement pour entrer sur Saint-Benoît, le centre-ville, la voie de contournement, donc le passage du pont de la rivière des Marsouins, et notamment du carrefour de Bracanote, dans les deux sens de circulation, avec encore un peu de monde pour sortir de la route des Plaines, donc en dessous de Bras-Fusil. L'entrée est de Saint-Denis, alors c'est un peu plus roulant sur la déviation de Sainte-Marie, ça coince surtout à partir de Duparc et c'est continu jusqu'au front de mer. La moitié du pont Vinsane encombré, la tranchée côté montagne également en difficulté en ce moment. Une entrée ouest sans changement puisque vous êtes toujours à hauteur du PR5, donc juste après le virage du gouffre, avant les potences, environ 1 km, 1,5 km. Et puis sortie de tunnel, on se rapproche doucement de l'échangeur de Plateau Caillou sur la fin de la route des Tamarins en direction de Saint-Paul. Voilà pour principale difficulté. Alors quelques travaux, des travaux qui se terminent sur l'ouest, notamment sur la route du chemin Armanet, des travaux de peinture prévus aujourd'hui après les enrobés qui sont déroulés la semaine dernière. Les travaux de finition également en haut de ce chemin Armanet au carrefour avec la RD6, juste en dessous de trois bassins où un tourne à gauche a été réalisé. Voilà donc pour les chantiers dans l'ouest en cours en ce moment. Très bonne route, à tout à l'heure. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. 8h, 10h. Allô première. Claude Montanet. Les invités de Réunion Première, Véronard, directeur de l'EFS, Nathalie Grondin qui est en charge de la communication. Nous accueillons également Claude Marie et Fatema Safi qui font partie des bénévoles pour cette journée mondiale prévue demain au Parc des Expositions pour la 13e édition de la journée mondiale du don de sang. Fatema Safi, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante? Oui. Voilà, et vous êtes bénévole, hein? Oui. Ouais. Et quel va être votre rôle demain? Alors demain, mon rôle principalement sera l'accueil des donneurs, les orienter dans les différentes étapes du don et animer aussi un peu les donneurs pour les mettre à l'aise lors du don, etc. Lorsqu'ils vont attendre les différentes étapes, ouais, un peu leur parler et échanger avec eux. D'accord, alors vous êtes étudiante, oui. Et pourquoi vous avez décidé d'être bénévole? Alors, ça a été... Qu'est-ce qui fait que voilà, vous êtes motivée vraiment pour cette journée d'action? Alors, je suis bénévole aussi. Enfin, j'étais bénévole dans une association étudiante, ah oui, qui s'appelait AREV et qui a dû fermer dernièrement. Et c'est la responsable de l'AREV qui m'a orientée vers le bénévolat du don du sang. Elle s'appelle Sandy. Et elle m'a proposé, elle a vu que j'étais très intégrée dans le bénévolat et que j'aimais bien interagir avec les gens, sachant que je suis pas réunionnaise, je viens de l'extérieur, donc ça m'a beaucoup aidée. Le bénévolat m'a vraiment aidée à m'intégrer dans la communauté réunionnaise et ça m'aide encore et je fais beaucoup de connaissances et c'est très beau. Magnifique, Nathalie Grondin. N'est-ce pas? Bah, l'idée, de toute façon, c'est que un maximum de personnes viennent nous aider. C'est vrai qu'on est, on dit qu'on est une petite unité de production, donc on est très peu. Et sans les bénévoles, on ne pourrait pas proposer des conditions forcément très optimales d'accueil sur certains gros événements comme celui-là. Ils sont 25 à venir nous aider sur l'opération de la Journée mondiale à la Nordève. Et c'est eux aussi qui participent à la réussite de cet événement. L'année dernière, ils ont accueilli près de 600 personnes et on a eu le témoignage lors de la dernière émission qu'un donneur nous parlait de cette journée, que voilà, il aimait l'accueil, l'ambiance qu'il y avait sur cette journée mondiale. Donc cette ambiance et cet accueil, c'est les bénévoles qui viennent nous aider sur cette opération. Donc on peut que les remercier. Effectivement, ils viennent de différents horizons, certains des associations donneurs de sang bénévoles et puis des démarches particulières. Les auditeurs ont la parole sur la première. Est-ce que vous avez eu l'occasion de donner votre sang? Comment convaincre les plus réticents? Et puis, quelles sont les questions, surtout, que vous aimeriez poser à nos invités? Et puis, si vous irez demain à la journée des donneurs et des bénévoles, on peut en parler sur la première. Jeannot est avec nous de la montagne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, ouais, bonjour tout le monde sur le tableau, plateau. Bonjour. Et moi, je vais poser une petite question là, pour le BTP. Pour le BTP, pour le bâtiment, voilà, c'est le BTP. Ça, oui. Voilà, ça aurait été bien qu'il passe de temps en temps sur chez des gros chantiers, ou bien sinon ça dans les locaux des médecins qui se passent tout le temps, quoi. Tous les deux ans, il y a des ouvriers qui font des visites. Ça aurait été bien de passer dans ces locaux-là pour pouvoir donner leur sang, parce que moi, mes salariés dans une petite entreprise, et bien des fois, ils débarquent dans des lieux qu'il y a trop de monde. Et le temps d'attente est insupportable, surtout à la Nordève. Espérons que cette année ne soit pas pareil. Et voilà quoi. Donc, parce que malheureusement, il y a des coups, mais il y a une heure de temps pour pouvoir donner mon sang. Mais il y a bien donné, mais bon, si on prend trop de temps aussi, il ne vaut pas le coup pour moi, hein, mais désolé. Hein. Donc alors, Jeannot, c'est l'attente, c'est ça? Ah oui, là, facilement donné coups parce qu'il y a une heure de temps, une heure de temps. Il y a une limite de temps qu'on a ou de vie quand même pas mener. Moi, j'aimerais bien, quand même s'il y a beaucoup de choses dans une zone à faire, dans mon sens, pour moi, pas un problème. Mais au moins, il prend pas moins trop de temps. Ouais, alors, donc déjà, Nathalie Grondin, pour ce qui est du temps, voilà. Certains trouvent qu'on passe trop de temps. Alors le problème, c'est que alors si vous avez passé du temps, c'est qu'on a reçu beaucoup de donneurs, donc ça c'est plutôt le point positif. La problématique, c'est que c'est incompressible entre guillemets dans une certaine mesure, c'est que l'entretien médical qui lui prend du temps et c'est lui qui occasionne finalement un peu ce délai d'attente que vous connaissez, c'est que quand il y a des nouveaux donneurs, l'entretien médical est un peu plus long. Et du coup, ça occasionne effectivement on essaie de pallier à cette attente, par les bénévoles, par du pré-accueil, en essayant de discuter avec les donneurs et en essayant de vous faire patienter au mieux. Mais c'est vrai que sur certains points, surtout quand c'est en unité mobile de prélèvement, donc le camion, le 19 tonnes, l'attente est un peu plus long. On vous remercie de patienter parce que c'est vrai que on le sait dans certaines conditions, l'attente est un peu longue. Alors c'est en général une heure. Je voulais juste rebondir sur le BTP. Oui. Alors pourquoi on ne vient pas forcément dans toutes les entreprises de BTP? La raison, elle est simple, c'est que quand vous donnez votre sang, il y a certaines contre-indications après le don. Par exemple, ne pas conduire d'engin, ne pas être sur des machines à risque. C'est le risque de malaise à post-don en fait qu'on craint. Et donc, parce que ça nous est arrivé d'aller voir des entreprises justement où il y avait de BTP, on va en parler grossièrement, ou inversement, donc les entreprises qui viennent à nous pour organiser des collectes, et c'est un des plus gros freins qu'on n'a pas encore réussi à lever. Donc l'idée, c'est plutôt de vous emmener à donner sur une collecte à côté, sur votre fin de service ou pendant vos vacances, mais c'est vrai que de venir dans des entreprises où il y a un risque derrière pour le salarié, c'est effectivement pas le mieux. Jeannot, voilà, donc en ce qui concerne... Pardon? Oui. Non, pour le temps de service, mais dis pas non, mais quand même, il faut calculer que le BTP termine à 15h30. Et la plupart du temps, il termine un peu plus tôt. Donc, voilà. Donc, c'est pas facile, quoi. Oui, bien sûr. Alors, on a quand même des collectes d'après-midi. Donc, ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher de notre site internet ou alors simplement du site de l'EFS qui est dans votre secteur. On organise beaucoup de collectes de 13h à 17h maintenant sur les grandes surfaces en général. Et on organise aussi à peu près 12 ou 15 événementiels, donc des collectes en week-end tout au long de l'année. Donc, je pense que vous aurez l'occasion de nous retrouver sur des créneaux un peu plus adaptés à votre vie. Jeannot, merci beaucoup d'avoir appelé avant de retrouver Dominique Dutampon et Prosper de Saint-Pierre. Hervé Renard, vous souhaitez réagir? Alors, moi j'ai plusieurs exemples à donner pour ces contre-indications-là, et je crois même être à l'origine de cette fameuse contre-indication où les gens ne peuvent pas donner parce que derrière ils ont des métiers à risque. Et je me rappelle, j'étais très jeune, j'étais médecin de collecte, hein, je commençais mon métier, et j'avais pris le matin en don du sang un pilote d'hélicoptère. Donc je lui prends son sang, et l'après-midi, je faisais un secours en montagne avec lui. Mais il a fait un malaise. Et donc, un pilote d'hélicoptère qui fait un malaise, et vous êtes dedans, je peux vous dire que vous ne le faites pas deux fois. Donc on a réussi à atterrir tant bien que mal, mais j'ai tout de suite prévenu la France entière en disant, attention, il y a des métiers où on ne peut pas prélever les gens, parce que derrière, imaginez, on parlait du BTP, un grutier, il monte sur sa grue, il fait un malaise, mais ça peut être terrible comme conséquence. Donc il faut faire très attention à cela. Retour au standard de Réunion Première, 02 62 99 2000. 8h 10h. Allô Première, Claude Montanet. Nous sommes sur Saint-Pierre. Prosper, bonjour. Claude, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question à poser parce que ça fait un petit moment que je pose cette question. J'ai toujours pas reçu de réponse à cause de ça. Vous n'avez pas de réponse. Voilà. Mon souci, c'est que moi, j'aimerais bien donner mon sang et depuis quelques années, j'arrive plus à le donner. Parce que le souci, c'est que je suis hypertension, donc je prends des comprimés, un comprimé tous les matins, et à l'heure actuelle, ben, je ne peux plus donner mon sang. Et je souhaiterais savoir le pourquoi on ne peut plus me faire de prélèvement. Je suis pas sans contaminé, on va dire, mais le souci, c'est que je prends un médicament contre l'hypertension. Oui, docteur. Oui, Hervé Renard, parce que vous êtes également médecin. Oui. C'est une question pour moi. Oui, alors, l'hypertension est un problème important. Et là, il s'agit de votre santé. Alors, lorsque vous prenez un antihypertenseur, c'est pour réguler la tension. Donc, normalement, avec un antihypertenseur, vous avez une tension normale. Mais le problème, c'est que lorsqu'on prend un antihypertenseur, on a une récupération beaucoup plus difficile. Vous savez qu'après un don du sang, on a des réflexes qui nous permettent de remonter la tension de façon à ne pas faire des malaises. Lorsqu'on a de l'hypertension et lorsqu'on a certains traitements hypertenseurs, ce réflexe-là, on l'a plus. Et donc, on a très très peur, nous, que ce monsieur donne son sang, là, il n'y aura pas de problème, mais qu'après, il puisse faire un malaise un petit peu grave. Alors, sur un seul hypertenseur, je pense que ça peut se discuter. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir nous voir, en sachant qu'on peut peut-être vous refuser. On verra quel est l'hypertenseur que vous prenez. Mais si cet hypertenseur n'est pas aussi important que ce que je crois, bah, peut-être que là, on pourra vous prendre. Oui. En sachant juste, monsieur, Nathalie que l'aptitude au don est jugée au jour du don. Donc, si vous avez une tension qui est élevée au moment où vous faites l'entretien médical, c'est aussi une possibilité de contre-indication. Et ça me permet de rebondir sur le fait qu'on s'assure quand même qu'il n'y ait pas de risque pour le donneur à donner son sang. La plupart des questions de l'entretien médical sur le premier volet sont pour vous. Donc, s'il y a un risque ou si on pense qu'il peut y avoir un risque pour vous à donner votre sang, vous allez être contre-indiqué. Donc, il ne faut pas le prendre comme une injustice, mais plutôt une protection de votre santé. Le but, c'est que vous restiez en bonne santé. Voilà, Prosper. Et aussi, avec ça, je sens pas mal parce que je peux faire du sport assez intense, va dire. Ma tension à l'heure actuelle, elle est régulière parce que je me fais contrôler quand même assez souvent. Et donc, c'est pour ça que je me pose la question. Bien souvent, j'entends parler des dons du sang et depuis quelques années, à cause de ça, je peux plus donner. Voilà. Oui, alors ça, c'est un peu Je passerai vous voir Dans le sud, il y a un bureau de FS. Bien sûr, au 58 rue Suffren. De Suffren, ouais. Pardon. Oui. Oui, c'est un peu le paradoxe, Hervé Renard. Il se sent en bonne santé, comme la plupart d'entre nous. Et puis, bizarrement, on ne peut pas donner son sang. Bien sûr, mais il est en bonne santé. Et j'approuve. Il est en bonne santé, mais parce qu'il a un médicament antihypertenseur. Lorsqu'on prend du sang, dès qu'il y a un médicament, c'est ça. Alors, lorsqu'on prend du sang, on prend un demi-litre de sang. Ouais. Pour pouvoir récupérer sa tension normale, il faut avoir un réflexe. Le problème de l'antihypertenseur, le médicament, c'est que ce réflexe-là, parfois, il est diminué. Pas toujours, mais parfois. C'est pour ça qu'on, comme disait Nathalie, on prend des précautions. Mais si vous venez, si le médecin voit le traitement que vous prenez et qu'il vous surveille bien, peut-être que ce jour-là, vous pourrez donner. D'accord. Merci, Prosper. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Nous irons retrouver Dominique Dutampon et puis Yves qui nous attendent du côté de Beauvallon. C'est dans l'Est. Première. 10h midi. C'est encore mieux en première. Le rire avec Radio Novella. On dirait le sosie de Jean-Yves Minatti quand il est en colère. Le cinéma. Je n'ai jamais ressenti autant. Avec vos petites annonces. Et radio aussi à pile, ancien collection. Song Story. Les nouveautés sur les étals de nos bazardiers pays, les prix, les tendances et surtout le jeu du panique garni. C'est encore mieux en première. 10h midi. Lionel Olivier sur Réunion Première. Première. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves, ça roule comment ce matin? Pas trop mal. On clôte avec des travaux qui ont démarré sur la fin de la route des Tamarins à proximité de l'étang Salé, entre Saint-Leu et l'étang Salé, donc voie de gauche neutralisée, travaux de nettoyage en terre-plein central. Le chantier vient de se mettre en place. Attention, ralentissement en baisse avec quelques difficultés à hauteur entre l'entrée de la tranchée couverte en haut du viaduc de Saint-Paul. Ça se libère doucement également après l'échangeur de Belmaine pour rejoindre Savannah. Côté ouest, c'est à l'entrée du tunnel du Cap Bernard, donc là aussi ça va mieux. La tranchée côté montagne encore un peu encombrée. Côté est, le trafic n'est plus ralenti qu'après le virage de la Jamaïque, avant l'échangeur du Chaudron. Et en direction du front de mer de Saint-Denis, je rappelle que dans l'autre sens, attention, depuis cette nuit minuit, le radar automatique, le 15e, donc, a été mis en place, donc le radar fixe à la sortie de la rue Léopold-Rambaud, juste au niveau du terre-plein central, c'est pour ça qu'il est placé assez haut, c'est pour éviter, quand on prend l'arrière comme ça, quand c'est installé en terre-plein central, pour éviter que ça éblouisse les autobus qui viendraient dans l'autre sens. Et puis, ça a marché déjà, malheureusement, donc il y a déjà quelques-uns qui se sont fait prendre ce matin. Voilà, entrée est, je vous le disais, donc ligne droite après la Jamaïque, avant l'échangeur du Chaudron, et puis dans l'Est, il y a encore un peu de ralentissement, ici en fin de quatre voies, et surtout entre le rond-point des Plaines et Bracanote, mais bon, ce sont des ralentissements roulants. Très bonne route, à tout à l'heure. C'était les inforoutes, pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Le don de sang, la journée mondiale est prévue demain au parc des Expos de Saint-Denis. On en parle sur la première avec Hervé Renard et Nathalie Grondin de l'EFS, Claude Marie et Fatema Safi qui sont des bénévoles. Et puis on dit merci à tous les donneurs de don de sang et puis aussi à tous ces bénévoles. On en parle avec Dominique Dutampon. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là, oui. Merci à vous tous. Alors je tenais moi à apporter un témoignage concernant le don du sang puisque je suis un donneur régulier. J'étais un donneur régulier puisque je suis victime d'un infarctus. Maintenant, je ne peux plus donner mon sang après avoir donné 50 dons. Donc, je voudrais absolument dire à la population réunionnaise qu'il faut donner son sang absolument et que l'accueil est toujours agréable dans les centres de dons, que ce soit les centres mobiles ou les centres à l'EFS du Sud, parce que c'est celui que je connais très, très bien. Mais c'est-à-dire que je tiens à remercier tout le personnel du don du sang, parce que ce sont des gens formidables, et qui sait vous accueillir et qui sait prendre votre sang. Bon, malheureusement, moi, je ne peux plus donner mon sang aujourd'hui, parce que victime d'infarctus, et le médecin pourra en confirmer, mais je souhaite que tous les Réunionnais entendent ce message et qu'ils ne disent pas qu'il y a toujours les autres qui donnent, mais donc moi, c'est pas la peine, donc il faut y aller absolument. Voilà. Hervé Renard, restez avec nous, s'il vous plaît, un instant, Dominique. Merci. Oui, allez-y. Donc déjà, monsieur, je vous remercie parce que vous voyez, vous avez donné 50 fois votre 50. Sang. Il a même compté. Et a priori, si c'est du sang total, vous avez pu permettre de soigner 150 patients. Donc vous voyez, c'est pas rien, hein, votre don. Donc vous avez un parcours de donneur de sang exemplaire. Malheureusement, l'infarctus est un problème de sécurité pour vous et je ne voudrais surtout pas qu'il y ait le moindre danger lorsque un donneur donne son sang. Et un infarctus, c'est malheureusement un problème cardiaque qui fait que ça peut être aggravée par un don du sang. Donc je voulais vous remercier de votre gentillesse, de votre manifestation et de votre générosité. Je voulais aussi revenir sur le temps d'attente, parce que vous parlez que nos équipes sont très accueillantes. C'est ce que disait tout à l'heure notre auditeur. Je les remercierai en votre nom. Mais je voulais aussi, encore une fois, profiter des deux bénévoles qui sont là pour les remercier, parce que lorsqu'il y a des bénévoles, alors que ce soit des bénévoles de la Poste Orange, des bénévoles du Rotary, du Lions Club, je vais peut-être en oublier, ils sont vraiment là pour aider les gens à passer cette attente. Et moi, je suis désolé, mais si j'ai quelqu'un comme Fatima, moi, je suis prêt à attendre toute la journée. Donc, vous voyez, en fonction des bénévoles, ils sont tellement gentils, ils sont tellement à votre écoute, ils sont tellement là pour vous aider que l'attente, vraiment, elle est facilitée. Dominique, merci et continuez le combat, militer surtout pour le don de sang. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Si vous me permettez, dernier mot. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait des bénévoles pour le don du sang, donc je me dirigerai vers le site de Saint-Pierre et effectivement, si je peux contribuer à devenir bénévole et aider les gens à apporter le concours à l'EFS, je ferai absolument. Bienvenue. C'est très très bien, merci à vous. Vous allez vous échanger les numéros de téléphone. Merci Dominique, à très bientôt. Nous irons retrouver William dans quelques secondes sur Saint-Pierre. Oui, alors un mot, Claude-Marie, vous êtes vous bénévole, donc ça fait 20 ans que vous donnez votre sang. Vous arrivez à en parler facilement avec les gens, ou alors que c'est un sujet qu'on évite peut-être dans la discussion. Vous sentez que chez les gens, voilà, c'est pas un sujet qu'on a envie de parler. Il y a les deux cas qui se présentent. Il y a des gens qui ne sont pas prêts d'en parler ou qui essaient de fuir un petit peu la discussion à ce sujet-là. Mais il y a d'autres personnes, au contraire, qui viennent avec des idées reçues et qui cherchent à s'informer. Qu'on amène à venir donner leur sang par la suite. Ces idées reçues, alors, c'est quoi? Les idées reçues, c'est beaucoup après l'affaire du sang contaminé. D'accord, ça revient toujours. Ça revient toujours. Ça, c'est des trucs qui apparaissent. Aussi, il y a un article qui vient. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me trouver en disant, mais là, nous, on donne notre sang gratuitement et puis l'EFS fait payer. Donc, il a fallu expliquer le système. Qu'il n'y avait aucun échange d'argent, c'était simplement une écriture comme ça. Mais il faut arriver à calmer un petit peu les appréhensions des gens. Vous êtes d'accord, Fatima Safi? Vous êtes étudiante, oui? Alors, pour moi, la discussion n'a pas été... J'ai pas eu trop l'opportunité de parler du don du sang. Mais à chaque fois que, quand je suis bénévole pour l'EFS du côté du Nord, j'en parle à mes amis et tout. Et ils sont toujours enthousiastes de savoir de ce que je fais. Et ils sont toujours émerveillés par l'aide qu'on peut apporter. Et après, je viens d'une communauté qui est aussi grande donneur de sang. Et tous les ans, nous faisons aussi une collecte de sang dans notre communauté. Donc ça on parle dans la communauté, entre amis, mais pas exactement. C'est laquelle communauté? Je suis d'Aoudi Bora. Donc, on a notre mosquée à Sainte-Marie. D'accord. Et nous faisons nos collectes de ce côté-là. Et on est assez intégrés dans le don du sang. C'est un sujet qui vous parle, qui vous concerne beaucoup. Aussi. William de Saint-Pierre, bonjour William. Bonjour Claude, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà, j'ai une question. J'ai donné une fois mon sang il y a 18 ans de ça déjà. Et j'ai reçu donc un papier pour me dire que je ne pouvais pas donner car j'avais une anomalie sanguine. Vous avez reçu un papier, ouais. Oui. Donc je suis resté sur cette idée. Et ma femme donne son sang assez régulièrement. Donc une fois, j'ai voulu savoir comment est-ce que je pouvais faire pour aider autrement. Et on m'a dit que je pouvais donner étaquette. Oui, ouais. Donc ma première question en fait, c'est surtout comment ça se passe pour le don de plaquettes. Est-ce qu'on peut venir sur un site de don du sang normal ou il faut aller à l'hôpital ou autre? Alors, le don de plaquettes. Donc déjà, merci monsieur de vous intéresser à ce don, parce que c'est vrai qu'on a peu de donneurs qui sont mobilisés sur ce don alors qu'il est très important. Les plaquettes ont une durée de conservation que de 5 jours, donc les donneurs sont précieux. Alors comment ça se passe? Pour être donneur volontaire de plaquettes, il faut être passé par un don de sang total, simplement pour vérifier en fait votre numération, voir si vous avez assez de plaquettes pour en donner, et si vous avez un réseau veineux qui pourra permettre le prélèvement en aphérèse. Donc ces machines d'aphérèse sont situées essentiellement, enfin uniquement d'ailleurs, sur les sites fixes de l'EFS, non. CHU de Belle-Pierre ou 58 rue Suffren à Saint-Pierre. Donc c'est sur rendez-vous. Je vous conseille. Donc vous êtes sur quel secteur, monsieur? J'ai pas. Saint-Pierre. Donc il faudra contacter le 0262 25 48 01. Souvent. Donc. Et bien passez, rentrez. Passez pour rentrer. Ne faites pas que passer. Voilà, hein, c'est ça. Et donc justement, on vérifiera. Donc le médecin vérifiera qu'il n'y a pas de souci et vous proposera un rendez-vous pour donner vos plaquettes. Ça dure par contre 90 minutes. Et donc il faut avoir un peu de temps devant soi. La différence avec le don de sang total, c'est qu'on vous rend les globules rouges. On ne va prélever qu'en fait retenir que la poche de plaquettes. Donc c'est un don qui est quasiment fini et qui est très précieux pour nous. Comme je vous dis, on a très peu de donneurs qui se mobilisent pour ce don-là, alors que les besoins sont très importants. D'accord. Oui, Hervé Renard, directeur de l'EFS. Oui, donc je rebondis sur ce que vient de dire Nathalie. C'est vrai que le donneur de plaquettes est un donneur très très très rare à La Réunion et partout en France également. Par contre, je reste très très prudent. Je ne connais pas l'anomalie qu'on a décelée au moment de votre premier don du sang, mais il faut y faire attention. Ça peut être aussi une anomalie qui vous contre-indique le don de plaquettes. Il faut faire attention, il faut y aller, il faut voir un médecin, il faut voir de quelle anomalie il s'agit, et en fonction de l'entretien médical, on vous prendra ou pas en plaquette. Ou peut-être même on vous prendra en don du sang parce que peut-être que cette anomalie a disparu. William, merci à vous. Juste une dernière petite question. Ouais. J'ai appris il n'y a pas longtemps que j'étais diabétique, donc est-ce que c'est contre-indiqué? Pour les diabétiques. Alors, vous avez un diabétique qui est traité par par insuline ou par un médicament, monsieur? Médicament. Donc vous pouvez vous présenter. Pas de problème. Très bien. Merci William. Beaucoup. Je vous remercie. À très bientôt. La journée mondiale du don de sang, c'est demain. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est demain au Parc des Expos. Nous avons au téléphone la marraine de cet événement. C'est Nathalie Soubadou. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous connaît sous le petit nom de Martha. Merci d'être là. Alors votre rôle de marraine est important, Nathalie Soubadou. Vous arrivez à convaincre les plus réticents, les gens qui hésitent encore à le faire? Si, j'arrive. Donc peut-être parce que l'avantage que j'ai, c'est d'être Martha. Donc j'arrive bien à inciter les gens d'aller donner leur sang. Bon, il n'y a pas de souci, oui. Alors, comment ça va se passer demain pour vous alors? Alors, demain, malheureusement, je ne serai pas sur le lieu. Oui. J'ai un empêchement. Désolé, je me pardonne. Et voilà, donc moi, par contre, j'incite le donneur à donner quand même, à se présenter sur la collecte de demain. Oui. Ouais. À la Nordaie, dans le Chaudron, de 9h à 17h. Voilà, donc parce que chaque année, plus de 9 000 malades comptent sur nous, par contre, donc il ne faut vraiment pas hésiter, il faut y aller. Nathalie Grondin, c'est une marraine active. C'est une marraine très active, ouais, très active. Qui est du coup très investie et bien au-delà du 14 juin, parce que elle organise aussi des collectes dans le sud. Ouais. Et puis elle est présente, elle nous a beaucoup aidé sur l'annonce de cette collecte. Elle fait son petit chemin dans le bassin sud pour nous mobiliser en fait les donneurs, en sachant que la Maison du Don de Saint-Pierre avait vraiment besoin d'un petit coup de pouce pour redémarrer en 2015. Donc elle nous a beaucoup aidé. On la regrettera demain, on pensera fort à elle. En 2015, elle nous avait offert un joli spectacle, mais c'est que partie remise. En tous les cas, sur le 14 juin, l'objectif premier, c'était de remercier effectivement les donneurs, mais c'est surtout de recruter des nouvelles personnes. Et on espère que l'appel de la marraine sera entendu. L'idée, c'est de recueillir, accueillir, je veux dire, de nouvelles personnes sur l'année. Il faudrait qu'on ait à peu près 7 000 nouveaux donneurs pour pouvoir renouveler le fichier correctement et pouvoir assurer les besoins des malades à La Réunion. Oui, Hervé Renard. Oui, Martha, bonjour. Docteur Renard à l'appareil, enfin au micro. Bonjour. Donc je voulais vous remercier pour toute l'aide que vous nous apportez et aussi vous témoigner que le spot et radio et télévisuel que j'ai regardé en partie grâce à vous est le plus beau spot que j'ai vu en France. J'ai parcouru toute la France là dernièrement. C'est vraiment votre spot qui est le plus merveilleux. Donc je voulais vous en remercier. Merci à vous. Merci Nathalie Soubadou. Je vous en prie, merci. La marraine de la journée mondiale des donneurs de sang. Oui, Claude-Marie et Fatima Safi. Alors, un mot de conclusion, parce que c'est vous, hein, la grosse équipe aussi, quelque part, les bénévoles. Parce que sans vous, c'est très compliqué de mettre tout ça en place. On espère qu'on fera aussi bien que l'année dernière. Ça, c'est le challenge. C'est le pari de faire mieux que l'année dernière. Hein, ça, c'est... Oui, aussi bien, mais aussi bien. On préférait que ça soit mieux quand même. Fatima Safi, oui. Alors, moi, ça serait passer une petite annonce pour vous dire de venir nombreux et qu'on va essayer, on fera le maximum pour bien vous accueillir et qu'il n'y ait plus de contraintes et que vous soyez super bien accueillis et satisfaits aussi. La journée, donc, c'est demain, c'est de 9h à 17h au parc des expositions de Saint-Denis. Merci Nathalie Grondin. Et oui, un dernier mot peut-être. Oui, alors, il y aura des animations. Pour ceux qui n'ont jamais donné leur sang, vous pouvez venir à notre rencontre. Je dis, hein, toute l'équipe de l'EFS sera là. On sera quand même plus de 50 finalement à vous accueillir, comptez l'EFS plus les bénévoles. Il y aura des animations, ça c'est une première chose. Et surtout, des personnels que vous ne voyez pas. Il y aura des techniciens de laboratoire. Si vous avez des questions à nous poser, rendez-vous à la Nordef demain. Nathalie Grondin, Hervé Renard, donc de l'EFS. Merci à Claude-Marie et à Fatima Safi. Donc, merci. Les bénévoles, merci, à très bientôt sur la première. Merci. Merci. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Yves, c'est à vous. Oui, attention, on est en train de récupérer un piéton qui marchait le long de la 4 voies dans le sens Saint-Pierre-Saint-Louis à hauteur de la station après la DB3. La patrouille de la DRR était sur place. Et ce sont les pompiers qui vont venir récupérer cette personne. Donc c'est très dangereux, attention. Circulation qui était difficile une nouvelle fois pour descendre de la route de Bras de Ponton à Déo. J'ai vu Claudio qui passe à côté de nous. Pour descendre de la RD27, rejoindre la route de l'entre-deux, donc avant de rejoindre l'échangeur de Pierrefonds. Donc tout ça très difficile tout à l'heure, il y a encore une demi-heure. Ah, ça va un peu mieux. Je rappelle que la braderie étant terminée à Saint-Louis, vous traversez quand même un peu plus facilement l'agglomération de Saint-Louis ce matin. Les ralentissements sous la tranchée couverte en haut du viaduc, c'est en train de se libérer doucement. L'entrée ouest, c'est sorti sous le tunnel. L'entrée est, c'est terminé. Il y a encore du monde sous la tranchée couverte côté montagne sur le boulevard sud. Voilà pour l'essentiel ici au niveau de Ravine-Creuse, chemin Le Faguès. Circulation plutôt correcte. Très bonne route. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Il est 9h sur la première. Après le journal de France Info, retrouvez votre émission de service et les experts. Et ce matin, nous allons vous aider sur tout ce qui concerne le bornage, la servitude de passage, les nuisances sonores et pourquoi pas ne pas profiter aussi de vous rappeler ces règles de mitoyenneté. Les SMS aussi, c'est possible au 06 92 608 335. Le journal de France Info, il est 9h01. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. 24 heures après le massacre dans une boîte gay en Floride, le monde exprime son horreur et sa solidarité. Acte homophobe ou terroriste, les motivations du tueur ne sont pas encore complètement claires. Qui était-il d'ailleurs ? Que sait-on ce matin de cet homme ? Le point en direct dans un instant avec l'envoyé spécial de France Info à Orlando. Reportage aussi dans la manif parisienne de la communauté LGBT qui s'est retrouvée dès hier pour partager son émotion. Également dans l'actualité, la nouvelle semaine de mobilisation contre la loi travail. Le texte est au Sénat à partir d'aujourd'hui. Et l'Euro de football secoué par les violences du week-end entre supporters à Marseille. On va y revenir sur le terrain. Entrée en lice réussie pour les Allemands hier soir. Une victoire 2-0 face à l'Ukraine. France Info. Et pour commencer, direction les États-Unis, frappés par la tuerie la plus meurtrière de leur histoire hier. Il était 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, en pleine semaine de la Gay Pride aux États-Unis, quand un tueur ouvrait le feu au fusil d'assaut dans une boîte homosexuelle d'Orlando, en Floride. Le bilan est de 50 morts et 53 blessés. La tuerie de masse de ce genre la plus sanglante de l'histoire des États-Unis. On est en direct d'Orlando avec l'envoyé spécial de France Info, Frédéric Carbone, une ville où la communauté homosexuelle est évidemment sous le choc, Frédéric. Oui, absolument. Et ce choc, il se ressent tout particulièrement à l'hôpital le plus proche de la boîte de nuit où le carnage a eu lieu. Vous avez des camions devant lesquels des gens patientent pendant des heures parfois pour donner leur sang. C'est une situation d'urgence médicale absolue. Et vous avez des familles dans l'angoisse qui attendent des nouvelles. Régulièrement, des listes circulent avec les noms de blessés qui ont été transportés. Sarah ne sait toujours pas ce que son frère est devenu. Mon frère n'est pas sur la liste. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'est la nuit dernière. Quand il y a eu la fusillade, il était avec deux amis et Ben pense qu'il est mort parce qu'il était debout avec d'autres gens contre le mur et il a vu quand il lui a tiré dessus. Je suis lesbienne, ajoute Sarah, c'est comme si on m'avait aussi tiré dessus. À Orlando, la communauté homosexuelle est très entourée ces dernières heures. Une église, par exemple, est aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Un blessé du Pulse est dans l'assistance. Il raconte les 3 heures réfugiées dans les toilettes de la boîte de nuit en entendant les rafales de coups de feu. Il dit aussi qu'il a besoin de sentir cette affection autour de lui. Et le tireur a lui-même été tué dans l'intervention des forces de l'ordre, très rapidement identifié. Alors que sait-on ce matin, Frédéric, de l'homme qui vient de traumatiser l'Amérique dans ce qui va rester comme l'attaque la pire depuis celle du 11 septembre 2001 ? Écoutez, Jean-Christophe, des éléments de portrait commencent à se dessiner, mais ils restent flous. L'ancienne épouse d'Omar Mateen parle de lui comme d'un homme instable, qu'il a batté. Elle raconte qu'elle s'est enfuie au bout de quelques mois. Il y a aussi ce père, afghan, émigré aux États-Unis, qui dans des vidéos dit son admiration pour les talibans, mais affirme que son fils n'était pas religieux. Et puis il y a l'élément le plus troublant, des accusations de fascination pour le djihad, formulées par des collègues de travail d'Omar Mateen. C'était en 2013 et 2014, le FBI l'avait interrogé, il avait eu des contacts avec un Américain parti en Syrie, mais le dossier avait été classé sans suite. Quand il a revendiqué cet acte et fait allégeance à Daesh, cet homme d'une trentaine d'années a notamment fait référence à l'attentat du marathon de Boston, la même volonté de tuer dans la foule. Il s'agissait là de deux frères auto-radicalisés, sans lien direct avec un groupe terroriste. Frédéric Carbone en direct d'Orlando pour France Info et sans lien apparent avec cette tuerie, un homme lourdement armé a aussi été arrêté près de Los Angeles. Il se rendait apparemment à un défilé de la Gay Pride. Il avait avec lui 3 fusils d'assaut. Barack Obama a condamné hier soir un acte de terreur et de haine en ordonnant que les drapeaux soient mis en berne dans tout le pays. Même condamnation de François Hollande qui a exprimé son horreur, tout comme le pape François, la reine Elisabeth ou encore le président afghan, puisque les parents du tireur étaient d'origine afghane. Immense émotion, Jean-Christophe, de la communauté homosexuelle. Aux États-Unis, on l'entendait, en France aussi. Oui, des manifestations de soutien spontanées à Madrid, Londres et Paris. Une centaine de personnes hier soir près de Beaubourg à l'appel de plusieurs associations. L'occasion pour la communauté LGBT parisienne de rendre hommage aux victimes, mais aussi un appel à la résistance face à la barbarie. Sur place pour France Info, le reportage de Camille Revel. Des bougies arrangées en forme de cœur, des drapeaux arc-en-ciel qui flottent au vent. Les mines sont graves, ça aurait pu être nous, se dit Flora Bolter, coprésidente du centre LGBT. Ça aurait pu être un club gay à Paris, c'est une attaque contre une façon de vivre de manière ouverte, tolérante, joyeuse. On sait que nos lieux, nos mobilisations peuvent être victimes d'attaques de cet ordre-là et nous sommes bien évidemment très solidaires. Sébastien est lui aussi venu rendre hommage aux victimes, mais surtout dire toute sa colère. Je suis révolté, indigné qu'aujourd'hui dans des pays de type Amérique ou France, on peut encore être juste parce qu'on est homosexuel. Victoria vient de prendre un verre avec quelques amis dans un bar lesbien. La jeune femme le reconnaît quand elle sort le soir, c'est avec la boule au ventre et cette attaque renforce son angoisse. Depuis les attentats du 13 novembre, on continue à sortir, mais voilà, il y a toujours cette crainte, en tout cas pour moi, qu'un barjo décide de se pointer un jour et de se mettre à fusiller tout le monde. Romain, installé dans un bar du Marais à quelques dizaines de mètres de là, refuse de céder à la peur. Il faut vivre et pas rester chez soi, terré comme un lapin, et on n'avancera pas si on reste à la maison, quoi. Donc, sortir, c'est quelque part aussi, je pense, résister puis leur rendre un petit hommage. Et pas question de renoncer à la marche des fiertés. Elle est prévue le 2 juillet à Paris. Un reportage de Camille Revel hier soir dans le 4e arrondissement, dont le maire Christophe Girard sera notre invité dans 10 minutes exactement sur France Info. C'est un militant de longue date de la cause homosexuelle. France Info. D'abord, cette nouvelle semaine décisive pour le projet de loi travail. L'examen du texte commence cette fois au Sénat, à la veille d'une manifestation nationale à Paris, des opposants à cette loi travail, toujours sur fond de grève dans les transports, des grèves qui s'essoufflent, mais le mouvement pourrait continuer sous d'autres formes. Le point avec Marion Lourd. Au bout de 3 semaines de grève sans salaire, pas étonnant que certains se remettent au travail, admet le numéro 1 de Force ouvrière Jean-Claude Mailly. Mais il en est persuadé, le mouvement se poursuivra. Certains secteurs faiblissent, certes, mais les syndicats promettent une forte mobilisation, plus que le 31 mars, veut croire le patron de la CGT. En attendant, pas besoin de grève pour les actions coup de poing. Dans l'énergie, plusieurs millions de foyers ont déjà vu leur compteur passer en heure creuse. Les coupures ciblées devraient reprendre. Et tant que l'exécutif sera dans le blocage, ses représentants ne pourront pas se promener tranquillement sur le terrain, menace le patron d'une puissante fédération CGT. Lui faisait partie du comité d'accueil qui a balancé des œufs au ministre de l'économie lundi dernier. Il n'est pas choqué par la présence, mercredi, de militants devant chez la ministre du Travail. Ce genre d'action va se reproduire, assure le syndicaliste. Dans l'agenda de Myriam El Khomri d'ailleurs, plus de déplacements prévus pendant 15 jours. Mais promis, rien à voir avec l'ambiance, c'est juste que la ministre sera trop occupée à défendre sa loi au Sénat. Et côté prévision dans les transports à la SNCF, 9 TGV et 7 TER sur 10 en circulation aujourd'hui, mais seulement 6 Transiliens sur 10, c'est la moitié des intercités. Dans les aéroports, Air France annonce 80% des vols assurés pour ce lundi. La réforme du permis de conduire passe un nouveau cap aujourd'hui. À partir de ce matin, il est possible de passer l'examen du code de la route à la poste ou dans les centres de contrôle technique du groupe privé SGS. Objectif, réduire les délais en dégageant du temps pour les inspecteurs du permis pour qu'ils se consacrent en priorité à l'épreuve de conduite. Et puis, l'euro et la fête populaire gâchée ce week-end par les violences entre supporters russes et anglais à Marseille. Et globalement, le ministère de l'Intérieur a annoncé hier soir que depuis vendredi, 116 personnes ont été interpellées dans des violences en marge de l'euro, avec 63 gardes à vue et 3 expulsions. C'est donc surtout à Marseille que des violences ont éclaté samedi soir, avec un bilan de 35 blessés, dont un supporter anglais, toujours entre la vie et la mort. L'UEFA est montée au créneau hier avec une menace de disqualification en cas de nouvelles violences pour l'Angleterre et pour la Russie, qui est aussi le pays hôte du Mondial 2018. Alors, quelle réaction côté russe? Elle est plutôt étonnante. Géraldine Allot était hier à la conférence de presse au camp de base de l'équipe russe à Croissy-sur-Seine, dans les Yvelines. Une conférence de presse assez surréaliste où aucun journaliste russe ne pose de questions sur les violences à Marseille. Et quand on aborde finalement le sujet, le capitaine et milieu de terrain Roman Chirokov répond qu'il ne peut pas commenter ces incidents car il ne sait pas pourquoi les Anglais et les Russes se sont battus. Il dit aussi qu'il n'était pas au courant de la menace de l'UEFA de disqualifier son équipe en cas de nouveaux incidents. Puis la conférence de presse se poursuit comme si de rien n'était. On parle du prochain match contre la Slovaquie mercredi à Lille. Un journaliste russe nous glisse « De toute façon, une équipe n'est pas responsable des débordements de ses supporters. » C'est vrai, on pouvait quand même s'attendre à une condamnation des violences. C'était plutôt « Circuler, il n'y a rien à voir ». Croissy-sur-Seine, Laurent Lucas, Géraldine Allot, France Info. Et puis un mot de l'euro sur le terrain. Avec les débuts réussis des champions du monde allemand, une première victoire 2-0 face à l'Ukraine à Lille. Dans le même groupe hier, la Pologne a battu l'Irlande du Nord 1-0. Et dans l'autre match d'hier, même score pour la Croatie face à la Turquie. L'affiche du jour, et ce sera en direct sur France Info. Espagne, République tchèque, Irlande, Suède et ce soir Belgique, Italie à Lyon. À Lyon, où Fabienne Sintès nous attend. On la retrouve dans 10 minutes maintenant avec Bernard Lacombe, dirigeant de l'Olympique Lyonnais et champion d'Europe avec les Bleus. C'était en 1984. France Info, 6h-9h. L'info revient à 10h. Suite à un mouvement de grève chez Météo France, nous ne sommes pas en mesure de vous donner le bulletin météo de ce lundi 13 juin. Il est 9h10 sur la première. Il suffit d'un rien, parfois, pour que vos relations se gâtent avec votre voisin. Comment éviter ces problèmes? Tout simplement en s'appuyant sur le droit, sur les textes de loi. Et oui, vous avez des droits, donc il faut les faire valoir. Pour cela, pour vous aider, nous faisons appel à une véritable équipe d'experts, de vrais spécialistes de la question. À mes côtés, dans un instant, le président de l'Ordre des géomètres experts, Cyril Vélan, Maximilien Flosy, juriste conseil de la DIL, l'agence départementale d'informations sur le logement. Et puis un architecte conseil, Jean-Paul Constancin, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Toutes les questions au standard de la première avec Brandon, 02 62 99 2000. Vous pouvez aussi nous laisser des questions par SMS au 06 92 608 335. Les experts de Réunion Première, 02 62 99 2000. Réunion Première. Et surtout que nous allons vous aider à y voir plus clair à la fois sur le bornage, sur la servitude de passage également. On vous rappellera les règles de mitoyenneté, je le disais, et puis surtout sur les nuisances sonores. 02 62 99 2000. Loïc Penaille. Ooh yeah, Sega Music now. Ooh yeah, Rasta music now. Oh yeah, yeah. Reggae music now. Oh yeah, yeah. Il dit laisse l'open posé. Mais ça tu entends pas. Zot n'a de tracala sans la politique. Midi laisse l'oké à causé. Bercé dans la moja. A force mon grand papa, vibration positive. Midi laisse l'oké à causé. Mais ça tu entends pas. Zot n'a de tracala sans la politique. Moi mi laisse mon cœur à causé. Bercé dans la moja. A force mon grand papa, vibration positive. Fait trop longtemps, tout l'a pour crier. L'argent il fait couler le sang, t'es de mon familier. L'autre côté, la gouvernement, il en bouche les yeux. Fait croire à nous, sans enfants, que nous les pressions. Mais non, non, non, faut pas croire ça, mon frère, why non, non, non. Connais ça la blague, mon frère, why non, non, non. Babylone, mais ça l'enfer. Zot n'a de tracala sans la politique. Mais il est bloqué à cause. Mais c'est dans la moitié. A force mon grand papa, vibration positive. Il est bloqué à cause. Mais ça t'y entend pas. Zot n'a de tracala sans la politique. Moi il est mon cœur à cause. Mais c'est dans la moitié. A force mon grand papa, vibration positive. Bon Dieu la donne à nous la vie, faut pas oublier ça. Faut que nous vivons à l'île, faut pas nous perdre la foi. La réunion où ça les olive, dans les hauts, dans les bas. Pollution pour fatigue à l'île, faut nous faire attention ça. Ah non, mon frère, ouvre les yeux sur la réalité. Ah non, mon frère, prends conscience la vérité. Ah non, mon frère, vive dessus la terre. Zot n'a d'autre tracala sans la politique. Mais il est bloqué à cause. Bercé dans la moja. La force mon grand papa, vibration positive. Il est bloqué à cause. Mais ça tu entends pas. Zot n'a d'autre tracala sans la politique. Moi m'y laisse mon cœur à cause. Bercé dans la moja. La force mon grand papa, vibration positive. Yeah. Le pape causé, c'est signé Loïc Penaille. On va vous laisser vous exprimer sur l'antenne de la première, au 02 62 99 2000. Nous sommes sur tout ce qui concerne les relations de voisinage, le bornage, la servitude de passage, les règles de mitoyenneté, l'écoulement des eaux pluviales, les nuisances sonores. Et pour ça, donc, pour répondre à toutes ces questions, je fais appel à des experts, de vrais spécialistes. Ils sont avec nous jusqu'à 10h sur la première. Du lundi au vendredi, grand matin, dès 5h, c'est l'information locale. Ce matin, le deuxième et dernier. Le réveil avec vous. L'information nationale et internationale. Recours au 49.3 du gouvernement. On fait la route ensemble. L'entrée de Saint-Denis, pas de problème. L'humour aussi. Des cadeaux, des nouvelles technologies, l'économie, le marché forain. L'invité de la matinale à 7h15, 5h-8h. Ah bon. L'info et la bonne humeur. Sur Réunion Première. 8h. 10h. Allô Première. Claude Montané. Et nous accueillons nos experts, Cyril Vélan, qui est le président de l'Ordre des géomètres experts. Bonjour. Bonjour Claude. Également présent, Maximilien Flosy, juriste conseiller à la DIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Constança, architecte conseil au conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, une question qui est arrivée par SMS, s'il vous plaît, pour éclairer l'auditeur. 4 personnes concernées par la même servitude, dont une personne chez cette personne, il y a des branches de ces arbres qui débordent sur la servitude. La question est simple, qui doit les élaguer? Maximilien Flosy. Dans tous les cas, c'est le propriétaire de l'arbre. Et le propriétaire de l'arbre, c'est celui chez qui est planté l'arbre. Ensuite, les branches, c'est toujours au propriétaire de l'arbre de les couper à la demande de ce chez qui la branche avance. Donc que ce soit une branche qui avance dans la propriété voisine ou sur une servitude, qui peut être la propriété d'ailleurs du propriétaire de l'arbre, soit sur le plan de la responsabilité, soit sur le plan des obligations qui découlent des limites de propriété, c'est toujours au propriétaire de l'arbre d'agir. Alors pourquoi on pose ce genre de questions? Ça paraît simple, d'une évidence, non? Ce qui est évident n'est pas toujours aussi évident que ça, parce que le droit de la propriété et le voisinage, c'est quelque chose de passionnel, et ça n'est pas nouveau. Ces règles-là, on en discutait avec M. Constantin et M. Vélan juste avant. Ça vient du Code civil, du Code Napoléon, qui est début du 19e siècle, et tout ça a repris des règles et des coutumes qui étaient encore antérieures. Donc les gens se disputaient déjà sur ces points-là il y a des siècles, et il n'y a pas de raison, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, qu'on ne se dispute, puisque les arbres, ça dure longtemps, et que les nuisances que peuvent causer les arbres durent longtemps également. Cyril Vélan, vous étiez là la semaine dernière, on l'a vu avec les auditeurs, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions sur le bornage. On se pose encore des questions sur le bornage, qui paraît pourtant simple là aussi. Mais parfois, on n'est pas d'accord. Et vous allez dans le même sens que Maximilien Flosy qui parle de passionnel, c'est ça? Tout à fait. On est là-dessus. La propriété dans le droit français est quelque chose de très très fort. Dès qu'on touche à la propriété, parfois on a l'impression d'amputer la personne à qui on... avec qui on travaille. C'est mon bien. C'est mon terrain. C'est la parcelle la plus belle du quartier. C'est celle qui a le plus de valeur. D'accord. C'est surtout celui dont j'ai hérité de mes parents. Et puis, bon, faut dire aussi que les parcelles ici sont très petites, d'une façon générale. Ouais. Donc, on y tient comme à la poêle de ses yeux. Ce qui a accru un peu la difficulté des procédures de bornage. Mais c'est partout pareil, c'est pas spécifique à La Réunion. Le droit du sol, la propriété, c'est quelque chose de très très fort dans le droit, mais aussi dans le cœur des gens en général. Ouais. Maximilien Flosy parlait de passion. Jean-Paul Constantin, oui, qu'en est-il vraiment? Je voudrais rappeler qu'en droit anglo-saxon, par exemple, la propriété privée, la propriété appartient à la reine, on va dire, pour faire simple. Là, tout appartient à la reine, à la couronne, et on est simplement dépositaire de ce bien. Nous le confie. Et c'est une approche et une vision très différentes. Et on n'est pas propriétaire accroché comme une tique sur le dos d'une pauvre moune, mais on est simplement dépositaire et on doit le gérer correctement, etc. Et le voisin aussi est dépositaire et on gère ensemble. C'est beaucoup plus... c'est une autre vision. C'est source de problèmes aussi. Oh, certainement, mais pas les mêmes. Pas les mêmes? Ah non, c'est beaucoup moins passionnel. La notion de propriété privée, quand il y a eu la Révolution, elle a été introduite à ce moment-là. Et parce qu'avant tout appartenait au seigneur, etc. Et lorsqu'il y a eu la notion de propriété privée, ils ont tout de suite senti la nécessité de la nuancer, cette notion. Donc dans le droit, c'est par exemple dans la Constitution, le droit, la propriété privée, c'est le droit de jouir de la manière la plus absolue de la chose que l'on possède, pourvu, et il y a un petit pourvu, vous voyez, toujours, qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Et alors là, les lois et les règlements, en France, je ne vous raconte pas. Il y en a un paquet. Donc en fait, oui, on est propriétaire, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est assez virtuel, la propriété. Tout à fait. Voilà. C'est Cyril Vélan. C'est assez virtuel, parce que même si par acte notarié, effectivement, on est propriétaire du terrain qu'on a acheté, de la maison dans laquelle on habite, il n'en demeure pas moins que les terrains sont grevés de tellement de contraintes d'urbanisme ou autre, et de tellement de lois qui font que, oui, sur le papier, on est propriétaire. Maintenant, on ne peut pas disposer de la chose avec toute la liberté qu'on voudrait le faire. Ce qui est sûrement une très bonne chose, qui peut paraître pour certains parfois un abus de droit, mais bon, la loi est dure, mais c'est la loi. Appliquons-la. Cyril Vélan est géomètre expert. Profitez de sa présence pour réagir, notamment sur le bornage 02 62 99 2000. Pour les droits, on peut en parler aussi avec notre juriste conseil de l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, Maximilien Flosy, et notre architecte conseil du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. 02 62 99 2000 et par SMS 06 92 608 335. Maximilien Flosy, les gens, donc les citoyens ont des droits, les propriétaires ont des droits, mais parfois on pense bien faire, malheureusement on est aussi dans le faux. C'est une des grosses sources de contentieux entre voisins, c'est que chacun est de bonne foi dans 99% des cas. Non. Et on est persuadé d'avoir raison, donc on se lance dans des diatribes et des relations un petit peu compliquées avec son voisin, peut-être de façon un petit peu excessive. Et lorsqu'on se rend compte qu'on avait finalement juridiquement tort, ben on fait prendre le relais à la morale en disant « Oui, d'accord, le droit est contre moi, mais au fond, c'est moi qui ai raison et qui suis gentil et l'autre qui est méchant. » La loi est la loi. La loi est la loi. Il y a un texte de loi. Comme le disait M. Constantin, il sort à peu près 3000 textes par an. Et donc, humainement impossible de tous les connaître et de tous les appliquer, bien que fictivement on dise que nul n'est censé ignorer la loi, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc il convient de se renseigner avant. Alors heureusement en France, il y a des organismes dont l'ADIL, le CAUE, dont les professionnels comme les géomètres experts qui ont une obligation de conseil, qui vous permettent effectivement d'avoir confirmation ou infirmation de ce que vous pensez pouvoir faire ou ne pas pouvoir faire. Et il faut toujours se renseigner avant d'avancer un droit ou un devoir quelconque que l'on réclamerait à son voisin. Les auditeurs ont la parole sur la première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Alors avant d'aller au standard, une question, c'est notamment Jeannot de Sainte-Clotilde du quartier du Chaudron qui pose la question suivante. À quand une campagne sérieuse, messieurs, des pouvoirs publics sur les nuisances sonores, notamment les coqs, les bruits, les scooters, la musique, etc., etc. Merci pour la réponse, Jeannot de Sainte-Clotilde. À quand la campagne sérieuse des pouvoirs publics sur les nuisances sonores, Maximilien Flosy. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut entendre par campagne sérieuse. J'ai à la deal, je passe devant des dépliants, nous avons sorti des dépliants sur un petit peu tout ce qui est trouble de voisinage, dont les problèmes de bruit qui arrivent en tête hein, dans les problèmes de voisinage. Après, c'est toujours très compliqué de lancer ce genre de campagne parce qu'il y a toujours un petit obstacle et un petit risque. C'est plutôt que de résoudre des problèmes, d'en créer. C'est-à-dire d'informer quelqu'un sur le fait qu'il a peut-être le droit d'aller embêter son voisin parce que son voisin ne serait pas pile poil dans la réglementation, aurait un coq de trop ou un canard de moins. Et du coup, ça peut quelquefois créer plus de contentieux que ça n'en résout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être fait, qui devrait peut-être être un petit peu plus porté par les pouvoirs publics parce que le bruit est quelque chose d'extrêmement sournois et vicieux, retentit sur la santé des gens. Alors le voisin qui est l'auteur du bruit ne se rend pas toujours compte des impacts que ça peut avoir et le sentiment que derrière vous la commune, l'État ne fait pas ce qu'il faut aggrave un petit peu ce sentiment d'être tout seul face au problème. Ça bouge au standard de la première. Françoise de Saint-Joseph, bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez là, au bout du fil, des experts. Oui. Alors, quel est votre problème? Mon problème est là. J'ai un droit de passage. Et dans ce droit de passage, et de chaque côté de ce droit de passage, il y a des gens qui habitent. Ils ont construit. Et à la suite de ça, ils font une canalisation de l'eau des égouts et l'eau de la pluie. Et tout ça est dans le droit de passage. Tout ça, c'est dans le droit de passage. Cyril Vélan, vous êtes le président de l'Ordre des géomètres experts pour répondre à notre auditrice. Alors, bonjour madame. Bonjour. Je crois qu'on se rapproche très franchement d'une question de la semaine dernière où effectivement une auditrice avait des problèmes de réseau sur cette servitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que la servitude de passage, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui est accessoire à la servitude de passage. Donc, on passe sur la servitude de passage, on passe avec son véhicule, on passe à pied, mais il est convenu des droits accessoires, à savoir le passage des réseaux, alors en principe en souterrain, réseau eau usée, réseau pluvial, réseau électricité, etc., qui doivent être enterrés. Ouais. Maintenant, il n'est pas question que ces réseaux soient aériens ou que les eaux pluviales, les eaux usées coulent à même le sol. Là, il y a quand même une nuisance notoire qu'il faudrait régler. Voyez, pour prêter la servitude, essayer de régler ça à l'amiable, de façon à ce que les réseaux qui coulent plus ou moins, si je comprends bien, sur cette servitude, soient enterrés, de façon à ce que chacun puisse circuler normalement sur cette servitude et qu'il n'y ait pas de nuisance sur chacun des riverains. Oui. Et bon, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, j'ai essayé de boucher, ils ont cassé le mur, donc oula, je ne sais plus quoi faire. Oui. Alors, donc, vous avez été jusqu'à boucher, c'est ça. Et là, je regarde Jean-Paul Constantin et Maximilien Flosy. C'est peut-être pas la meilleure solution, ça. Il y a plusieurs cas. Si ce sont les eaux de ruissellement naturel, les eaux pluviales, qui les terrains là, supérieurs à là, ils coulent naturellement. Oui, ça, normalement, vous ne pouvez pas le bloquer. Chez eux. Pardon. Ils ont canalisé ces eaux pluviales chez eux et toute l'arrivée est c'est dans le droit de passage. D'accord. Donc ils ont aggravé la servitude. Normalement, on doit recevoir les eaux de ruissellement naturel qui arrivent naturellement sur votre terrain, celles qui arrivent des terrains qui sont plus hauts, tout simplement. Oui. Et on ne peut pas les bloquer chez le voisin. On n'a pas le droit, dit le Code civil, d'élever un mur digue. D'accord. Donc on doit laisser passer cette eau. Par contre, si cette eau elle a été canalisée à un seul endroit et que vous avez plus d'eau à cet endroit que ce qui coulait naturellement avant qu'on fasse cet aménagement, là il y a aggravation de la servitude et vous êtes en droit de réclamer aux voisins en question qui répartissent cette eau de façon plus harmonieuse et que ça ne pose pas de problème sur votre terrain ou sur le chemin. Par contre, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Vous ne pouvez pas bloquer cette eau, même si après un épisode de forte pluie, vous êtes très très embêté. Il faut d'abord le réclamer par lettre recommandée avec accusé de réception. Éventuellement, si ça ne fonctionne pas, saisir la maison de justice et de droit. C'est gratuit et ça fonctionne très très bien. Oui. Et en dernier recours, saisir le tribunal après avoir fait expertiser un petit peu tout ça pour aboutir à une solution. Jean-Paul Constantin, oui, pour notre auditrice. Pour ce qui concerne particulièrement les eaux de pluie de toiture, quand on les récolte dans une gouttière et puis qu'on les descend au sol par un chaîneau vertical, on a maintenant l'obligation de les faire percoler dans le sol. On ne peut pas, puisqu'elles sont concentrées en quelque sorte, on ne peut pas les faire ruisseler sur la terre. Il faut absolument les faire percoler dans le sol, dans un puisard, avant tout dans un puisard. Après, ce que le puisard ne peut absorber au bout de, je sais pas moi, au bout de 3-4 jours de forte pluie, ça va ruisseler sur le sol. Mais d'abord, faire percoler dans le sol. Ça, c'est une obligation que la plupart des communes, lorsqu'elles refont un plan local d'urbanisme moderne, si j'ose dire, l'intègrent dans leur... Et c'est ce qui fait, par exemple, à Sainte-Marie, où ils ont fait depuis très longtemps l'obligation d'avoir un puisard, ils n'ont plus d'inondation dans le centre-ville. Enfin, il n'y a pas que que pour ça, mais n'empêche qu'avant, moindre orage, ils étaient inondés. Mais j'ai l'impression, Françoise, que les relations sont tendues, là, hein? De là à avoir donc vous avez, quelque part vous avez fait justice vous-même là. Mais bon, on a essayé. Aujourd'hui, ils sont en train de clôturer leur terrain et je vois de ce côté-là, ils font rien. Donc voilà. Je veux dire Bon, bah, il faut trouver une solution. On peut pas non plus. En plus, ce qui m'a mis hors de moi, c'est qu'ils ont canalisé. Alors, donc, on rappelle Maximilien Flouzy pour notre auditrice Françoise. Donc, on rappelle, pour le propriétaire qui est situé au-dessus, il ne doit pas aggraver la servitude vis-à-vis du terrain en bas, c'est-à-dire que lorsqu'il construit, lorsqu'il aménage son terrain, il ne faut pas concentrer l'eau à un seul endroit, il ne faut pas bétonner tout son terrain parce qu'il n'y a plus rien qui rentre dans le sol, donc du coup, évidemment, ça se retrouve chez le voisin d'en bas, et lors des fortes pluies, le voisin d'en bas est très très embêté. Donc, on essaie de faire les choses au mieux, de façon à ce qu'il n'y ait pas plus d'eau après la construction qu'avant la construction. D'accord. Voilà, donc les puisards, les aménagements, la perméabilité du sol, un certain nombre d'aménagements comme ça doivent faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème nouveau pour le voisin d'en bas. D'accord. D'accord, Françoise. D'accord. Merci à vous. Merci. À bientôt sur la première. Allez, bornage, servitude de passage, nuisance sonore, les règles de mitoyenneté, on en parle avec nos experts jusqu'à 10h, 02 62 99 2000. Et puis je vous donnerai la réaction de notre auditrice juste après donc la musique sur la première. Et puis c'est Marie de Sainte-Clotilde au 06 92 608 335. Bun bun, other nurses buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bun bun, other nurses buns bun, dun dun. Bet you wanna taste it, bun bun. Bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Fille bonbon sur la première. 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions aux experts sur la première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Messieurs, la question de Marie de Sainte-Clotilde. Enfin, plutôt, c'est un constat. Nous avons obtenu un droit de passage par décision de justice. Est-ce qu'on peut déjà éclairer un petit peu les autres auditeurs là, qui se posent des questions, notamment sur l'obtention de droit de passage par décision de justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qui s'est passé historiquement, c'est que cette personne avait un terrain qui était enclavé, qui n'avait pas d'accès officiel sur la route la plus proche. Elle a donc demandé à ses voisins de lui laisser, moyennant indemnité, une servitude de passage. Les voisins ont refusé. refusé, donc elle a saisi le tribunal qui a le pouvoir de dire, bah, écoutez, dans ces conditions-là, pour désenclaver ce terrain, on va dire que la servitude de passage, elle passe sur tel ou tel terrain, ou en général à cheval entre deux terrains, sur une largeur suffisante pour que les véhicules circulent, qui est en général de 3,50 m, il fixe une indemnité, et à ce moment-là, il y a une servitude qui est créée, qui est intégrée dans les actes de propriété, et on a eu recours à la justice parce qu'on n'a pas pu trouver un accord à l'amiable. D'accord, avant. D'accord. Donc ça s'est acté, Cyril Bélan, géomètre expert, donc c'est la décision de justice, on ne revient pas dessus. Décision de justice. Normalement. Elle est légale. Est-ce qu'elle est susceptible d'appel à vérifier, mais à partir du moment où le temps d'appel serait purgé, elle doit s'appliquer. Donc après, si effectivement il y a des grosses difficultés pour la faire appliquer, voie d'huissier, force de l'ordre, gendarmerie, etc. Dis donc, parce que là, elle n'a pas fini son message, Marie, parce qu'elle dit que le proprio du terrain sur lequel on doit passer refuse et nous menace. Et pourtant, il y a la décision de justice, Jean-Paul Constantin. Oui, moi je n'ai pas de réponse particulière, c'est effectivement la force publique qui peut mettre bon ordre. Mais alors après, bonjour l'ambiance. Oui. Cyril Bédon. Relation de voisinage détériorée. Enfin, visiblement, elle ne sera pas très bonne à l'origine. Ça va se gâter de plus en plus. Si on a dû passer par le tribunal pour avoir une servitude, qu'on n'a pas pu le faire à l'amiable, donc pas pu la conventionner à l'amiable, elle devient légale, c'est que les relations ne sont pas très bonnes. Le fait de devoir la faire appliquer cette décision de justice par la force de l'ordre, ça va pas arranger les relations de voisinage dans le quartier. Malheureusement, la personne qui a acquis son bien, qui a construit, elle ne peut faire autrement que d'être desservie sur le domaine public. Il faut se taxer. Il y a une décision qui est rendue, on la fait appliquer. Voilà, c'est la loi. Il faut. La loi est la loi. Si vous êtes dans le cas de Marie et que ça a été décidé par décision de justice, c'est le cas de le dire, donc n'hésitez pas à nous joindre au 02 62 99 2000. Et Maximilien Flosy, les gens qui se déplacent notamment, qui vous rencontrent dans les permanences que vous tenez dans les mairies, mettent parfois sur la table ces problèmes-là, que ça a été acté, qu'il y a eu une décision de justice, mais malgré tout, malgré ça, le propriétaire n'est pas d'accord. Alors, on a plus de cas de gens qui viennent nous voir avant d'avoir à saisir le tribunal, sachant que nos conseils visent à éviter au maximum ce genre de procédure, parce que ce sont des procédures qui sont longues, qui sont compliquées, et qui n'aboutissent pas forcément à des solutions, hein, qui sont froides, qui arrangent un petit peu tout le monde. Donc, on essaie au maximum de donner des conseils qui permettent de trouver un arrangement. Un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon procès. Mais il arrive effectivement que des personnes reviennent, alors au bout de 4 ans, 5 ans de procédure, avec une servitude légale qui a été prononcée, avec une indemnité qui est aversée, et avec quelqu'un qui est complètement bloqué. On voit ça aussi en matière d'expropriation, avec des gens qui sont capables de sortir le fusil quand ils ont perdu leurs différents procès successifs, parce que, comme on le disait au début de cette émission, il y a un côté passionnel. Et vous avez des gens qui sont prêts à faire un petit peu n'importe quoi pour, en fait, l'usage, parce que ils ne perdent même pas la propriété de ce passage, mais l'usage de 3,50 m sur une dizaine de mètres de long. Alors Cyril Bélan, une question de Philippe au 06 92 608 335. Si on n'est pas d'accord avec un bornage réalisé sur le terrain, que fait-on ? Alors la procédure de bornage amiable... Si on a des doutes alors sur un bornage, voilà. Elle est assez simple, relevé préalable, convocation des parties, et rendez-vous sur le terrain de façon à organiser, à mettre en place un débat contradictoire, de façon à fixer les limites, et de recueillir l'avis de chacun des riverains à la demande du propriétaire demandeur. Toutefois, un riverain qui n'est pas d'accord avec ce qui est proposé, a tout à fait le droit de refuser la proposition que fait le géomètre expert en matière de bornage. Ce qui est, à mon sens, assez dommage, parce que dans la mesure où un professionnel propose une limite, c'est qu'il y a réfléchi, c'est qu'il a récupéré l'ensemble des documents indispensables à la mise en place de cette limite. Donc on peut supposer que ce qui est proposé est quand même la limite la plus rationnelle, la plus logique. Maintenant, chacun peut refuser effectivement ce qui a été proposé. Dans ce cas-là, charge à la partie la plus diligente de faire un bornage judiciaire. Voilà. Donc là, il va falloir entamer monter un dossier, il va falloir aller au tribunal, les frais d'avocat, d'accord. Ouais. Alors, c'est un peu dommage, souvent on rencontre des gens qui refusent de signer par principe plutôt que par conviction, et c'est dommage parce que le propriétaire demandeur paye la prestation au géomètre expert. Donc celui qui est riverain, s'il accepte une limite proposée, oui. Il bénéficie d'une limite bornée gratuitement. Gratuitement. Gratuitement. Et ça, c'est, faut pas le négliger. Aujourd'hui, tout a un coût. Donc, imaginez celui, la personne qui est en bord de route, il a trois riverains, un de chaque côté, oui, un derrière, un qui borne à sa gauche, un qui borne à sa droite. Le jour, il vient voir le géomètre expert, il n'a plus qu'une borne, qu'une limite à borner à l'arrière. Bah, là, sa prestation à l'île va être franchement revue à la baisse. Donc, c'est parfois un peu. On a tendance à l'oublier, ça. Ben, on a tendance à l'oublier, mais non. Celui qui vient nous voir, nous, professionnels, pour borner un terrain, c'est lui qui assume entièrement les frais. C'est lui qui va régler la facture. C'est lui qui va régler la note. D'accord. Et du coup, il fait bénéficier à l'ensemble de ses voisins d'un bornage gratuit pour une limite chacun. Donc, il faut y réfléchir malgré tout. Maximilien Fauzy. En matière immobilière, ne jamais poursuivre les grands principes, même les petits principes, toujours être pragmatique et voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Les principes, ça entraîne souvent à faire des grosses bêtises. Pas d'ailleurs que en matière immobilière, mais il faut toujours être pragmatique et se demander quel est mon intérêt, quel est l'intérêt du voisin, quel est l'intérêt de mes enfants. En immobilier, on raisonne sur le long terme. Donc se dire que vous allez rentrer dans une bataille de 5 ans, 6 ans, pour 60 cm de bande de terrain et léguer ça à vos enfants, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent. Savoir exactement où est sa limite, même si on estime, parce qu'on vous a toujours dit que la limite était plus loin, qu'on y perd un petit peu, ça veut dire que vous pourrez poser une clôture, ça veut dire que vous pourrez respecter un recul lorsque vous faites construire votre maison sans aucun problème et que vous pourrez vendre ou léguer votre terrain correctement borné sans qu'il y ait de contentieux possible. Refuser absolument, ce serait un petit peu la même démarche que quelqu'un qui est en voiture, qui arrive à un croisement, qui voit un gros 38 tonnes arriver sur sa gauche, qui ne freine pas et qui se dit « oui, mais moi, en principe, il y a la priorité à droite et qui passe ». Alors, il discutera de ça avec Saint-Pierre, Allah ou je ne sais qui. Il aura respecté son principe, mais humainement parlant, je pense qu'il aura eu tort. Maximilien Flosy, donc, qui répondait, pardon, Jean-Paul Constança. Oui, il y a les principes, effectivement, des fois, enfin, comment dire, on peut pas faire une vie avec ça dans un quartier, c'est trop délicat. Non, autant accepter de constater, et c'est ce que font les géomètres experts, constater une réalité sur le terrain, et c'est pas du virtuel, c'est du réel. Et après, on lègue ça à ses enfants et on est tranquille. On ira retrouver, oui, Alain de la Possession dans quelques secondes sur la première, et Cyril Vélan. Ouais, une toute petite remarque. Très souvent, le bornage amiable se conclut par le fait de retenir une limite d'occupation qui est paisible, qui n'est pas contestée. C'est une haie, c'est un mur, c'est une vieille clôture qui est là depuis 30 ans. Alors même si cette clôture est divergente par rapport au plan cadastral, c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais très souvent, le bornage amiable consiste à valider des limites existantes, non contestées depuis une, deux, trois générations. Validons-les, et ce sera la paix dans le quartier. Cyril Vélan, géomètre expert, Maximilien Flosy, juriste conseil à l'Agence départementale d'information sur le logement, Jean-Paul Constancin, architecte conseil au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Nous irons au standard dans quelques secondes sur la première. Vous êtes souvent pessimiste ? Je ne suis pas pessimiste, je suis concret. Moi, je suis offensif. Je ne suis pas un dinosaure de la politique. Devant la Réunion, c'est l'émission politique de la rédaction. Un invité, 45 minutes d'interview, tous les lundis soirs à 18h15. Devant la Réunion, le magazine politique de la rédaction. Sur Réunion Première. 8h. 10h. 8h. 10h. Pas profiter de ma terrasse parce qu'il y a trop de soleil. Et je voulais voir si j'ai le droit de mettre un bouton devant ce forme de casquette, à peu près sur 1m50, à peu près pour que je puisse profiter de ma terrasse. Maximilien Flosy, pardon, Jean-Paul Constança, oui, allez-y. Écoutez, mettre un bout de tôle, comme vous dites, c'est quand même une construction. Et dans le plan local d'urbanisme de la commune de la Possession, ils ont prévu, dans la plupart des zones, un recul minimal à respecter. Donc, je ne peux pas vous dire oui, puisqu'en fait, la réponse est non. Oh, d'accord. Ah, désolé. Hein. Elle est pas mal, celle-là. Moi, je suis gentil, je vous aurais bien dit oui. toute façon, moi, je voulais juste savoir si j'ai le droit, et après, j'aurais fait les choses dans les règles, bien sûr. Je ne me suis pas basé juste sur une réponse que j'ai eue à la radio, mais avant d'entamer des démarches et des frais, je voulais juste avoir l'avis d'un professionnel. Alain de la possession. Alors, soyez rassurés, parce qu'on a des choses à vous dire aussi. Cyril Bellan, géomètre expert, avant Maximilien Flossy. De quelle date, quel âge a ce lotissement dans lequel vous habitez? 5 ans. Donc c'est un lotissement qui est toujours d'actualité, qui n'est pas caduque. Donc il serait peut-être bon quand même de voir le règlement du lotissement, voir s'il y a des choses possibles qui s'appliquent. Relisez-le. Je ne suis pas confiant 100%, hein, mais relisez-le. Relisez-le parce que... J'ai été regarder le règlement du lotissement. Ils disent qu'on doit être à, au minimum 4,50 m de la voie de l'été. Oui. Mais ils ne parlent pas. Bon, c'est vrai que mon cas était un peu particulier. Ouais, donc, quoi, donc. Si vous faites votre construction, même légère, elle va rentrer dans cette zone des 4,50 m. Oui, oui. Ah oui, donc là, ça va être très difficile, effectivement. Ouais, d'accord. Bon. Maximilien Flossy. Donc l'idée, ce serait peut-être de raisonner un petit peu autrement, en disant, voilà, on a une gêne qui est le soleil, peut-être est-il possible de, non pas de faire une construction, mais de poser des équipements, je pense à des poteaux avec des voiles qui peuvent donner des choses assez sympas, qui vous abritent du soleil, mais sans qu'il y ait une construction, et donc sans qu'il y ait d'autorisation à solliciter. Donc pour ça, malheureusement, les voiles, je ne peux pas les poser à la façon que c'est fait. On a déjà étudié, on ne peut pas les poser à la façon que c'est fait. Aïe. Alors, végétalisation ou autre, vous avez un centre de documentation et vous avez un paysagiste qui est à votre disposition au CAUE, qui est monsieur Clément Aquilina, alors qui reçoit, je ne me souviens plus, c'est un mercredi par mois. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, ça doit être le premier ou le dernier. Ce serait peut-être bien d'étudier un petit peu avec les plans et avec quelques photos les possibilités que vous avez. Il y a peut-être une possibilité qui existe. Contactez-le. Oui, le souci, c'est que la partie avant de la maison, elle est bétonnée, donc je ne peux plus mettre de végétalisation devant. C'est un peu embêté. Je suis bien embêté avec là, ça. Là, j'ai l'impression qu'il est vraiment embêté, là. Alors, le béton peut se poser, il peut s'enlever aussi. Alors, j'ai pas forcément de solution, mais peut-être qu'en l'étudiant au CAUE, avec le paysagiste, il y aura une solution qui émergera. Vous pouvez les joindre au 0262 21 60 86. 21-686. D'accord, je vais les appeler. D'accord. Merci Alain. Et alors, juste un dernier mot, c'est votre relation, vos relations avec le voisinage, ça va? J'ai toujours... Il y a 2 mois, après, je vous avais appelé, parce que j'avais un souci, un voisin qui m'avait dit qu'il fallait que je casse mon mur, parce que soi-disant, mon mur était en train de fissurer sa maison. Mais bon, il ne me parle plus, il ne dit plus bonjour, mais sur point mort. Parce que vous n'avez pas fait les travaux, c'est ça? Ah non, c'est lui qui devait normalement, on aurait dû faire le mur en mutualité, moi, partielle trop petite, et le mur, j'ai dû le faire chez moi, mais j'ai laissé un passage de 5 cm depuis en bas jusqu'en haut pour l'écoulement des eaux au cas où il y en avait, et la dernière rangée droite en haut, elles avaient mis jusqu'à sa maison de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui passe, et comme j'ai fait d'autres travaux après qui le gênaient, dans sa tête, ça ne touchait pas sa maison, ni rien. Et il a fait des histoires en me disant que mon mur est en train de pousser sa maison et faire fissurer sa maison. Mais bon, il m'a fait des menaces, il m'a dit qu'il avait qu'à aller au tribunal s'il voulait. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc. Ouais, Alain, merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci. Bientôt. Cyril Bellan, mon voisin, c'est la question d'un auditeur par SMS, mon voisin a arraché un point de borne intentionnellement. Que faire? Aïe. Quoi? Aïe. Bon, déjà, effectivement, il faut prouver l'arrachage de borne, il faut que ce soit sûr. Ah, il faut prouver. Il faut au moins récupérer le plan de bornage de l'époque qui dit qu'il y avait une borne, et puis faire la preuve que la borne a été arrachée. Maintenant, l'arrachage de borne, c'est un délit, hein, soit on engage une procédure parce qu'on sait qui a fait ce malencontreux geste. Soit on retourne voir son géomètre expert qui a fait le bornage, qui a posé les bornes, et puis conformément au plan de bornage existant, on engage une procédure beaucoup plus simple qui est une procédure de rétablissement de limites. D'accord, on n'est plus dans le bornage contradictoire puisque la limite a déjà été juridiquement définie. On fait simplement une procédure de rétablissement de limite qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus légère. Maintenant, si la borne a été arrachée, c'est que encore une fois, les relations sont peut-être pas parfaites. Oui. Donc, il faut absolument, dans ce cas de rétablissement de limite, que la procédure soit malgré tout bien respectée, information des parties, délai, etc., de façon à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ça arrive souvent, ça, que les bornes disparaissent comme oui, ça. Un matin, on se lève, la borne a disparu. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Les gens, oui, nous signent des limites et puis on s'aperçoit en revenant un an ou deux après sur le terrain que les bornes qu'on a posées nous-mêmes, hein, pas à notre cabinet. D'accord, ou nous-mêmes, ouais. On les retrouve 50 cm, 1 mètre à côté. Alors, comment ça se passe? Je sais qu'il y a des mouvements de terrain à La Réunion, mais il ne faut pas non plus exagérer. Donc, on sait pertinemment. Aujourd'hui, tous nos plans sont numériquement référencés, donc on sait à 5 cm près où tous nos points de bornage ont été posés. Donc, quand on nous dit que la borne, elle est ici d'origine, non, ce n'est pas possible. Mais voilà, ça... Il y a des gens qui s'amusent à bouger les limites, oui, effectivement. Je dois faire mon garage qui se trouve du côté du voisin. Est-il vrai que le mur doit obligatoirement se situer soit à 3 mètres en mitoyenneté ou en mitoyenneté? Moi, je voudrais faire le mur à l'intérieur de ma borne, pour répondre à l'auditeur Maximilien Flosy. Quand on fait un bâtiment, il y a des règles d'urbanisme qu'il faut respecter. Donc probablement, il y a un recul qui est à respecter. Dans ce cas-là, peut-être de 3 mètres. Et souvent, c'est effectivement soit 3 mètres, soit la mitoyenneté. Alors quand on parle de la mitoyenneté, on utilise un terme qui n'est pas le bon. En fait, on se met en limite de propriété. On place son mur à 1 mm de la limite, concrètement, de façon à utiliser pleinement son droit de propriété. Et on ne fait pas de recul de 10 cm, 20 cm, comme on le voit un petit peu souvent, parce qu'ensuite ça pose des problèmes d'entretien, notamment de la petite bande de terrain qu'on a laissée. Mais on ne le met pas en mitoyen, on ne le met pas à cheval sur la limite. Chez soi, mais tout contre la limite. Cyril Vélan. Le fait de laisser un éventuel recul par rapport à la limite séparative, la limite de propriété, de 10, 20, 30, 50 cm, c'est une erreur magistrale. Un problème d'entretien, et deux, ce sera à terme une source d'ennui, une source de litige inévitable. Donc, de grâce, soit vous mettez à 3 mètres en recul parce que le PLU ou le POS l'impose, soit vous mettez à zéro, c'est-à-dire en limite séparative, mais ne faites pas de recul, ne vous mettez pas en recul, ce sera un jour source de litige et évitez ça. Jean-Paul Constantin, alors il voudrait faire un garage, mais on rappelle quand même qu'il faut un permis de construire. Oui, ou une déclaration préalable suivant la surface. C'est ça. Mais dans tous les cas, il faut quelque chose. Pour un garage, pour une voiture, c'est... Oui, parce que le garage fera plus de 5 mètres carrés. Moins de 5 mètres carrés, il n'y aurait besoin de rien. Mais attention, même si on fait moins de 5 mètres carrés, aucune formalité n'est nécessaire, mais on doit quand même respecter les règles d'urbanisme. Donc, faire une déclaration préalable ou faire une demande de permis de construire permet au moins ceci, vérifier qu'on est bien dans les clous, qu'on respecte bien les règles. Alors, je voudrais faire une petite remarque par rapport à... La bande qui a disparu, c'est pas, ça Non, concernant quand on construit une clôture, quand on fait une clôture en limite de propriété, et non pas en mitoyenneté, il est très important que les gens marquent bien le chapeau, le sommet du mur, de manière à ce que les eaux pluviales aillent chez eux, et ça sera une marque... Et pas chez les voisins. Et pas ne rien faire, laisser plat. Parce que faire une belle pente vers chez soi est une marque d'appartenance du mur. Voilà. C'est très important. Oui, Jean-Paul Constantin, architecte conseil au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Le numéro de téléphone, c'est le 21 02 62 21 60 86, pour joindre Maximilien Flosy et son équipe d'experts de juristes conseil à l'Agence départementale d'information sur le logement. Vous composez le 02 62 41 14 24. Et je remercie également le président de l'Ordre des géomètres experts, Cyril Vélan. Merci, à très bientôt sur La Première. Merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Jessica, bonjour, vous êtes du côté d'un grossiste en fruits et légumes sur Saint-Pierre. Est-ce que vous m'entendez bien, Claude? Oui, bonjour. Ça va très bien, oui. Ça va très bien, on a dit que vous entendez, mais... Ah là, ça coupe, Jessica. Alors on va plus bouger, attendez, je mets ma main gauche en haut, c'est bon? Allez-y. Je bouge plus, ça coupe ou ça va? Non, allez-y, continuez. Bon, allez, nous sommes à Saint-Pierre, dans la zone industrielle numéro 3. Vous savez, juste à côté du marché de gros, où s'est déroulée d'ailleurs hier la brocante à Saint-Pierre. Alors, si vous êtes dans le secteur, venez nous rejoindre avec Laura, puisque nous avons une belle surprise pour vous. Nous avons décidé aujourd'hui, collégialement, bien sûr, d'offrir à votre père, hein, qui est dans le secteur, ou peut-être un papa qui est à Saint-Pierre, la possibilité de faire lui-même son panier garni à l'occasion de la fête des pères ce dimanche. N'est-ce pas, Laura? Bonjour. Bonjour. Ah, c'est le papa qui va choisir, c'est ça? C'est ça. Enfin, après, si vous êtes dans le secteur, nous rejoindre, hein, vous allez pouvoir repartir avec des fruits et des légumes. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, Laura? Alors, vous gérez ce grossiste de fruits et légumes dans la zone industrielle numéro 3. Oui. Alors, nous avons des tomates, du chou, du persil, de l'oignon vert. Elle est un peu troublée parce qu'en même temps, elle est en train de rendre la monnaie, préparer une facture. C'est pour qui? En fait, on vient de livrer un client et je réceptionne le règlement. Ouais. Et c'est très calme ce matin, Laura. C'est un peu comme le marché de gros. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est comme ça tous les lundis, en fait. Oui. Et qu'est-ce que vous avez vendu le plus ce matin? Il n'y a plus chou-fleur déjà? Et le mot de passe, c'est chou-fleur pays. Hein. Alors, on a vendu des chou-fleurs, du chou, des tomates, oignons verts, persil, carottes, oignons, l'ail, citrouille et des fruits. Et Laura a préparé un message d'avance pour tous les papas de la Réunion, un message d'encouragement pour ceux qui sont sur la route, pour ceux qui sont en train de travailler. Laura? Bah, bon courage à tous les papas et bonne fête. Allez, venez nous rejoindre avec Laura, vous allez pouvoir confectionner vous-même votre panier garni dans ce grossiste qui se situe à la zone industrielle numéro 3, ça s'appelle PNR. À tout de suite. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Lionel Olivier, c'est encore mieux en première, bonjour. Claude Montané, bonjour. Alors au sommaire de l'émission. C'est une journée assez particulière puisqu'aujourd'hui c'est la 100e de Radio Novella. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter AC153 ce matin avant le journal de 7h, rediffusion à 10h20, donc c'est la 100e de l'épisode. C'est jusqu'à midi, c'est encore mieux en première et juste après le débat de Philippe Dornier, c'est dans l'actu et ce midi Philippe parlera des radars, la solution anti-pousse, la question est posée, le radar du boulevard Léopold Rambaud est mis en service aujourd'hui, mais les riverains ne sont pas complètement satisfaits. Vous allez pouvoir réagir dans le débat tout à l'heure de 12h15 à 12h45 au 02 62 et 99 2000. Un coup d'œil sur les pronostics publics de Pascal Maillot. Nous sommes sur l'hippodrome de Compiègne pour le prix Major Fridolin avec 16 partants sur 1400 mètres. Le départ sera donné à 15h47. Le montant de la tirelire est juste incroyable. 5 150 000 euros. Les pronostics, le 8, le 3, le 6, 10, 15, l'As, 5, le 9. En cas de non partant, le 7. Je vous les redonne, ces pronostics de Pascal Maillot. Le 8, 3, 6, 10, 15, l'As, le 5, le 9 et en cas de non partant, le 7. Pour le quintet d'hier, dimanche, il fallait trouver le 2, le 6, le 8, le 7 et le 16. 2, 6, 8, 7, 16 et le numéro plus, le 05, 97. Bonne journée à l'écoute de Réunion Première, il est 10h, voici France Info. Bienvenue sur France Info, 8h. Clara Lecoq-Réal pour le journal, bonjour. Bonjour à tous. Les drapeaux américains sont en berne quand les drapeaux arc-en-ciel flottent un peu partout aux États-Unis. Hommage appuyé depuis hier aux victimes du tueur d'Orlando. Dans ce journal, vous entendrez des rescapés de la boîte de nuit gay. Et nous dresserons le profil d'Omar Matine qui se revendique de Daesh. À suivre également l'aveu du ministre de l'Intérieur sur la détection des hooligans en marge de l'Euro de football. Il reste des progrès à faire, dit-il. Et puis, cette nouvelle campagne de publicité de Médecins du Monde, boudée par les afficheurs des arrêts de bus qui la juge trop choquante. France Info. Les Américains sont donc allés se coucher après avoir rendu hommage aux victimes de la tuerie d'Orlando. Oui, après avoir veillé jusque tard cette nuit dans la ville de Floride, c'est là qu'Omar Matin a tué 50 personnes, en a blessé 53, avant d'être abattu dans une discothèque fréquentée par des homosexuels. Hommage donc quelques heures plus tard auquel Frédéric Carbone a assisté. Dans cette église d'Orlando, le drapeau arc-en-ciel occupe une partie de l'autel et des photos du Pulse, le club gay attaqué la nuit dernière, défilent sur un écran. Au premier rang, un homme a encore le bracelet de l'hôpital dont il vient de sortir. Il a été blessé la nuit dernière, mais il a tenu à assister à la cérémonie et à dire quelques mots. Cette victime raconte les 3 heures cachées dans les toilettes de la boîte de nuit. Il dit qu'à chaque rafale de fusil mitrailleur, il se voyait mourir. L'assistance l'entoure, l'applaudit. Les témoignages de soutien et d'unité se succèdent. Richard Lamberti fait partie de la chorale gay de la ville d'Orlando. Il est venu chanter à l'église et il refuse de stigmatiser une religion. On a enterré Mohamed Ali vendredi dernier. Il se battait pour la paix et pour l'amour. Ce tueur était musulman, mais ce qu'il a fait n'a rien à voir avec l'islam. Toutes les religions mettent l'amour au premier plan et nous ne pouvons pas laisser la haine l'emporter. Partout en ville, on se rassemble, des veillées, des bougies, dans les églises et dans les parcs. Besoin d'être ensemble. Le seul endroit où ce n'est pas possible, c'est le Pulse. Le FBI occupe les lieux. Les familles ne pourront pas voir les corps de leurs proches avant ce matin. Orlando, Frédéric Arbonne, France Info. Et depuis hier, l'Empire State Building a éteint toutes ses lumières. Les drapeaux américains, je vous le disais, sont en berne sur demande de Barack Obama. Le président américain s'est exprimé hier soir à 20h, heure française. Et il a, pour la 20e fois depuis le début de son mandat, demandé à légiférer sur le port d'armes aux États-Unis. Il s'agit aujourd'hui de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Le tireur avait apparemment une arme de poing et un puissant fusil d'assaut. Ce massacre nous rappelle par conséquent à quel point il est facile pour certaines personnes de se procurer des armes et de tirer ensuite sur des gens, dans une école, dans un lieu de culte, dans un cinéma ou dans une discothèque. Et nous devons décider si c'est le genre de pays que nous voulons être. Et ne rien faire, c'est aussi une décision. Le président américain Barack Obama. Alors à la une de tous les médias ce matin, le même visage de cet homme, Omar Mateen. Il a 29 ans, auteur donc de ce massacre, que les services de renseignement américains connaissaient bien déjà, Pierre-Yves Dugas. Le FBI, en 2013, avait été alerté par les commentaires d'Omar Mateen. Selon ses collègues de travail, il s'était vanté de connexions avec des terroristes. Il fut interrogé, mais le FBI ne donna pas suite. Quelques mois plus tard, la police fédérale l'interroge à nouveau, cette fois-ci en raison de sa connaissance d'un terroriste suicidaire d'origine américaine, Moner Mohamed Abu Salah. Une fois de plus, le FBI conclut qu'il n'y a pas assez d'éléments pour l'arrêter. Omar Mateen n'était donc pas surveillé par le FBI lorsqu'il y a quelques jours, il décide d'acheter 2 armes à feu. Ce natif de New York, âgé de 29 ans, fils de parents afghans, a téléphoné avant son attaque, au service d'urgence pour clamer son allégeance à Daesh. Le FBI tente de vérifier si cette attaque a été simplement inspirée par l'organisation terroriste Daesh ou si elle a été directement commanditée par l'État islamique. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Info. Et si rien n'est encore prouvé, hier déjà le groupe État islamique a revendiqué cette tuerie via une agence de presse. De son côté, le père d'Omar Mateen assure lui que cette attaque n'a rien à voir avec la religion, mais il ne nie pas toutefois la dimension homophobe. Quelques heures après cette fusillade hier, une autre attaque visant des homosexuels a été évitée à Los Angeles. La police a arrêté un jeune homme de 20 ans armé qui voulait s'en prendre à la Gay Pride. Et point complet dans 10 minutes sur France Info, nous retrouvons notre envoyé spécial à Orlando, Frédéric Carbone. Ce sera à 8h15, 8h05 pour le moment. Et le projet de loi travail, également à la une de l'actualité, une nouvelle semaine importante débute. Oui, puisque le projet de réforme arrive au Sénat cet après-midi. 2 semaines de débat, 149.3 possibles pour le gouvernement. Le tout sur fond de grève, dans les transports encore. Ce sont les intercités et les transiliens qui sont les plus touchés, avec 1 train sur 2. Grève chez les éboueurs, toujours au sein de Météo France, et puis chez les pilotes d'Air France également, qui eux négocient leur salaire. 1 vol sur 5 est annulé ce lundi. Depuis ce matin, par ailleurs, des opposants à la loi travail bloquent 3 dépôts de bus à Toulouse. C'est là que se joue le match entre l'Espagne et la République tchèque. Ce sera cet après-midi à 15h. L'euro, justement, perturbé surtout par les violences, violences impressionnantes à Marseille samedi. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, demande une compétition sans alcool dans les périphéries périmètre sensible autour des matchs, les veilles et les jours des rencontres. 35 personnes ont été blessées à Marseille, dont 4 grièvement. 116 personnes interpellées au total, dont 3 ont été expulsées. La preuve, Corinne Audouin, qu'il faut revoir le dispositif. On ne peut pas transformer les centres-villes en forteresses, explique le ministre de l'Intérieur, mais il y a des progrès à faire dans le repérage des fauteurs de troubles. Avant l'Euro, la Russie n'a par exemple signalé aux autorités françaises qu'une trentaine de noms d'individus potentiellement dangereux. Toutes nationalités confondues, 3000 interdictions d'entrée sur le territoire français ont été prononcées. Il faut maintenant s'occuper de ceux qui n'ont pas été repérés en amont. Bernard Cazeneuve. J'ai rappelé au préfet la nécessité de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière ou des obligations de quitter le territoire à l'encontre de tout supporter étranger dont le comportement troublerait l'ordre public. Tout supporter qui aura été interpellé à l'occasion d'incidents pourra également se voir notifier une interdiction de paraître. Cela suffira-t-il à éviter tout débordement? Ce n'est pas certain. Pour le sociologue du sport Nicolas Ourcade, la solution se situe à un autre niveau. La question qui se pose, c'est la question de la coopération internationale pour renforcer l'entraide sur le terrain. Je pense qu'on pourrait renforcer le nombre de policiers étrangers sur les nations les plus à risque sur les prochains matchs pour qu'il y ait un suivi plus étroit des supporters les plus dangereux. À plus long terme, une autre mesure pourrait s'avérer utile, la création d'un fichier européen des individus interdits de stade. Corinne Audouin pour France Info. Alors, côté sport, le vrai sur le terrain. Notez hier la victoire des champions du monde, les Allemands, de la Croatie également et de la Pologne. Aujourd'hui notamment, l'Espagne entre en lice et puis il y aura un choc, le premier de 7 euros ce soir à 21h entre la Belgique et l'Italie. Et Médecins du Monde, de son côté, lance une grande campagne contre le prix trop élevé des médicaments. Oui, l'ONG dénonce le coût de ces médicaments, des traitements notamment contre l'hépatite C ou la leucémie. Mais elle ne s'affichera pas dans le métro parisien, ni sur les arrêts de bus. Cette campagne est jugée trop choquante par certains des afficheurs, Bruno Rougier. Pour cette campagne, Médecins du Monde a volontairement choisi des slogans forts, voire cyniques, qui mettent en cause les profits réalisés par les industriels du médicament. Comme « le cancer du sein, plus il est avancé, plus il est lucratif ». Ou encore « une épidémie de grippe en décembre, c'est le bonus de fin d'année qui tombe ». Face à ces slogans jugés trop violents, voire diffamatoires vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, de nombreux afficheurs ont refusé cette campagne. Vous ne verrez pas ces affiches dans le métro ? Vous ne les verrez pas sur les abribus à Paris ou en région. Pour Olivier Maguet, qui est responsable mission prix du médicament à Médecins du Monde, ce refus montre que la campagne frappe là où ça fait mal. Ça ne me surprend pas, mais au contraire, ça me conforte dans le fait que nous avons choisi le bon angle sur le message que nous voulons faire passer. On a voulu dire simplement que la maladie est un marché rentable. Et c'est ça qui passe mal, c'est ça qui est mal accepté. Ça crée une levée de bouclier qui se traduit in fine par une interdiction de communication. Donc c'est bon signe, on a gagné. En revanche, les messages seront diffusés dans la presse écrite. Médecins du Monde espère que cette campagne incitera de nombreuses personnes à signer la pétition pour demander une baisse du prix des médicaments. Une pétition que vous pouvez retrouver sur le site leprixdelavie.com. C'est